Real bad man, back a check, bum bum flat. Pas just Babylon, pas just politician, pas a you même ka buy gun flat. A cousin bullet, bullet, bullet, bullet. Bull, ghetto you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, déjà ka cry. A cousin bullet, bullet, bullet, bullet. Ghetto you qui jada, déjà die. A cousin bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama, déjà ka cry. Passe à Baruntchou, j'avais mon douvin fou en plus mon pagin web, yes, qu'on tirait tout seul. Tout seul, John Cell, Luca Fouillet dans le sol, j'abarons goût du bon ton enlève des raids instrumentales. Madame, monsieur, boom, bye bye, déjà on t'aime pas, j'ai chat, pas si boy, ça pas joué en momental. Welcome to the salle, le ragamuffin dans la mais pour chaque son boy, j'ai une balle KLHD. Yeah, interdit se mélanger, si you dis moto, y'aura pour die. Cousin bullet, bullet, bullet, bullet, bullet, bullet, et puis y'a mon dossier, sale. Le beeper, Tijo Sound, sur Trace FM. Et puis yo c'est sale, bacanisico, sale, bacanisico, sale, bacanisico. Ça y pas ça faire, c'est bon pour le choc. Y'en a très mal à bout pour mettre plus de chance, c'est pas pote. Appoyons du bout de bord, mais là en tant que pote. Vous payez faiblesse ou affaire d'y mettre en compote. Sans qu'à nicher mon tête, affaire d'y chanter mes autres. Mais c'est mon sale, faut pas s'en côté, ça fait saut. Mais des jours nous à terre, c'est ça qu'à sauver saut. Ma compote, on me dit ça, ça pas comment un mètre. Et puis y'a mon loup, c'est sale, pas qu'à nicher que. Il sale, pas qu'à nicher que. Il sale, pas qu'à nicher que. Coup de couteau, on doit qui se caillot. Y'all know the belly where you are, y'all are you good to hold that way. Ball it out, you have it tight underneath, y'all not tight. You get the beat of a note that way. DJ Sound, sur Trace FM. Y'all know the belly where you are, y'all are you good to hold that way. Ball it out, you have it good under, y'all not tight. You get the beat of a note that straight. Till a boy say you're good. Hey Shelly, your belly my shaky shaky like a jelly. But you still I get your prof Sam Nelly. Still I get your king size, flat screen telly. Still I get your ring, still I get your Dex Pansely. Still I get your van, you still I get your money. Still I get your honey, nuff, nuff, nuff. Still you can't done it, done it, done it, done it, done it, done it. So speak up for yourself. Men the man them know say that you party pop, extra pop and rap. Chance man a rave, but this one new brand up. You come number one. Watch it. And you feel big up, big up. All of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Whoa, see me. Big up, big up. All of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Whoa, see me. Party cock up, titty nipple stand up. Party cock up, titty nipple stand up. Ambiance Trace FM. Big up. Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri. C'est un vrai génie. Et moi, c'est Hugo, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyanes. Génération 9-7. Bonsoir, salut, belle bonsoir. On est de retour, Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le... Quoi? Ici, c'est la... Libre antenne des auditeurs. Ouais, et celle, évidemment, qui est faite par toi. Pour toi. Chez toi. Avec toi. Bon, et la Miss Nessie, ça va? Tranquille? Avec ton petit micro, là? Ça va. Ok, t'arrives pile à l'heure maintenant, depuis quand? Parce que j'ai ouvert à des gens et que j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre et on ne m'a pas répondu. Vous avez remarqué la tristesse dans sa voix déjà d'emblée dès le début de l'émission, la meuf. Je suis tout dans cette émission, c'est moi qui ouvre la porte aux invités, c'est moi qui ai le code de toutes les portes, passe-partout, bienvenue sur Trace FM. Merci. Dans Génération 9-7. Bah déjà si t'es arrivé à l'heure, ben t'auras pas à attendre devant la porte. Non mais... Déjà pour commencer. En fait, en même temps, c'est peut-être même pas véritablement de sa faute si elle arrive à l'heure ou pas à l'heure. En fait, surtout, n'oubliez pas qu'une marche normale pour elle, c'est le double. Ça prend plus de temps. Oh, tout de suite. Ça va, notre petite, ça va. Notre petite Sarkozette. Tu m'as manqué. Ah, je t'ai manqué, sérieux. Eh oui. Quelle connasse. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche tout à l'heure. On a Lilou également avec nous ce soir. Comment ça va, Lilou? Bah, ça va bien. Enfin, moi depuis à peu près 15 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en face de moi. Ah. Ça tire. C'est donc ça ton problème dans la vie? Non, mon problème c'est que tu as oublié ma carte postale. Ah, donc tu m'en veux en fait personnellement? Voilà. Vous croyez que je suis parti en vacances en fait? C'est ça. Eh bah oui. Ça va, on sait que t'es sorti en boîte. Tu croyais que j'allais te ramener placé. Quelque chose? Une carte postale, fallait que tu l'envoies. Eh bah non, oublie ça, oublie ça. D'où vous ramenez des souvenirs de Paris? C'est parce que tu sais pas écrire en vrai. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Moi, j'envoie tout le temps des. Je donne tout le temps des souvenirs aux gens. Tu dois... Ouais, mais il fait... oui. Bon, après, t'es obligé pour te faire aimer, pas moi. On a Sabri également dans le studio avec nous. Ben voilà. Tu sais comment faire pour avoir des petites phrases positives. Hein, t'es passé par les filles, elles te balancent des saloperies. Maintenant, tu dis bonsoir à Sabri. Mais les filles, de toute façon, elles m'en veulent toujours. Qu'est-ce que voilà. Tu veux? Je m'y suis habitué, hein, quand moi, même. Moi, tu veux que je te dise des mots doux? Non, pas parce forcément. Que t'es facile. Pas tu m'as forcément. Manqué, Yannick. Où tu étais? Ben, c'est... Avec qui tu as dormi? DTC. Et ben voilà, je sens toujours rien. On a... Quel connard. Il y a Yoshi aussi qui est là dans le studio. Yoshi, salut Yoshi. Hey, du côté du standard. Salut les gars, comment ça va? Moi ça va. Cool, posé. Ouais. Posé, dosé, sur le pavé, sans glisser. Oh. Putain, oh. Comment on a Zobman avec nous. Zobman est là, il est là. Doucement, sur le lubrifiant. Comment il va le Tijo également, le Tijo Sound derrière les platines. Très bon... Très bon petit bifort là. Tranquille. Bon, on sent qu'il y a des moments où tu t'es un peu enflammé. Hein. Je pense que vous étiez en train de faire soit des câlins avec Hugo, machin. Non. Vous avez fait des petits coups dans la platine. Là, vous essayez à mixer en fait. Ouais, voilà. Je pense. On a du monde ce soir qui nous rejoint. On va avoir une semaine très très chargée d'ailleurs. D'ici vendredi, passeront dans le studio Johan, Stony. Il y a également Pompis qui viendra nous voir. On recevra également les candidates cette fois du côté de la Martinique à l'élection de Miss France. Bon, enfin, à l'élection de Miss Martinique vers Miss France. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait fait la connaissance de Morgane Edwige. Elle avait gagné notamment cette compétition. Et ben, qui sera le nouveau visage de Miss Martinique 2016? La réponse, en écoutant Génération 9-7 à partir de cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine pour faire connaissance avec la dizaine de candidates qui sont inscrites dans l'aventure. On a Tikam, le stagiaire également, qui est derrière le web. super à l'heure le mec, bravo. On a du monde également du côté du standard qui nous rejoint dans un petit instant. On aura Meryl, ça c'est notre coup de cœur de la semaine. Attention, elle nous a fait beaucoup délirer. Elle a fait le buzz sur le web. Meryl, ben autant dire que Hugo me demande, bon, et comment on prépare une interview quand on n'a pas assez d'informations sur une artiste? Hugo, comment on fait dans un cas comme ça? On va sur son Facebook. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à trouver des informations suffisantes pour pouvoir faire l'interview? Bah écoute, ouais, je vais préparer un beau petit truc. Parce que sinon, si tu sais pas quelque chose, suffit de poser la question. C'est le principe d'une interview. Meryl, dont on fera la connaissance, on repassera en revue tous ses covers, mais également, ce sera l'occasion de lâcher un nouveau single pour elle et de faire un petit peu plus connaissance avec cette nana qui a quand même un départ dans la vie un peu compliqué, hein. C'est marqué sur Facebook, ça. Personne l'a vu? Personne l'a noté? Non? Personne l'a vu? Si, on a 3 minutes. Alors. En tout cas, elle est jolie quand même. Hein. Elle est très jolie. Et en même temps, elle a une vraie authenticité, quelque chose d'assez naturel, d'assez spontané. Dans le truc qui aurait pu être un mauvais départ dans la vie, c'est qu'elle est spiritaine, les gars. Ah. La commune du Saint-Esprit. C'est normal, j'ai. Elle a découvert Internet vers 15 ans, c'est ça? Elle nous rejoint ce soir dans la civilisation. Bada Guadayana, une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Allez, on y va, c'est parti. Fais-moi un petit warm-up sur un petit shy. On revient juste derrière. Après Tijo Sound, 0820-203-200, il y aura du cocoteur, il y aura du Hey Baby Allo. Lagués sont là, man. Lagués. On revient juste après dans la trace radio. Hey, c'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes de ce lien me voient ou veulent l'engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Vois gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à deux, trois heures. straight. Dilla, dilla, dilla. Can't where you have your life, you go to all that weight. Ball it out, you have the good hand. Cannot stay for yourself, you please the man out that straight. Dilla boy, say you good. Hey Shelly, your belly my shaky shaky like a jelly. But you still I get it, still I get your prof Sam Nelly. Still I get your king size, flat screen telly. Still I get your ring, still I get your text pan celly. Still I get your van, you still I get your money. Still I get your honey, nuff, nuff, nuff. Till you can, Donny. I know the belly when you have your lie, you go to all that weight. Ball it out, you have the tight underneath. No style for you, say please the man out that straight. Till a boy say that good food, yo. I know the belly when you have a tight pump, come and wait. Ball it out, you have the good under. Then no style for you, say please the man out that straight. Till a boy say that good food, yo. By the line, Daniela wine, Annabella wine, Tracy a wine, this girl a wine, your girlfriend a wine, me girlfriend a wine. That's why you see them on the front line. This better have my money. Y'all should know me well enough. This better have my money. Please don't call me on my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like black. Ça va de votre côté, merci de nous rejoindre. Mada Guadayana 0820 203 200, également sur Twitter. Ouais, on fait un petit coucou à Loulouche, il y a également Brandon qui se connecte, Laurie et Mademoiselle Sissi. Hashtag G97 et à Trace FM pour discuter avec nous, balancer un petit peu sur les réseaux sociaux. On va avoir besoin de votre avis tout à l'heure parce qu'apparemment, monsieur Yoshi a vécu un truc pas cool. Traumatisant même. Dans la prochaine demi-heure également, on aura l'occasion d'avoir au téléphone. Alors fais-moi un petit topo là, Sabri, on reçoit Drex, on reçoit aussi Dali, Kérosène, Pond de Mike et Lilo. Yes. Il y a qui encore? Il y a Buana. Buana qui sera là également du CLR. En fait, bref, vous le savez depuis ce tragique accident et justement le décès de Johan. Tous les soirs, on a une petite minute qui est consacrée, notamment à voir comment le pays bouge pour éviter que ça se reproduise. Et dans cette minute, aujourd'hui, il y a forcément une énorme initiative qui réunit mais une quantité d'artistes. On vous a donné une petite liste, mais c'est loin d'être suffisant en fait pour tous ceux qui apparaissent notamment sur désormais la version du titre de Dali 100 qui fait 9 minutes. Et ils estiment que 9 minutes, ça peut pas être formaté. Ils estiment que 9 minutes, ça peut pas durer 3 minutes, ça peut pas durer 4 minutes, parce que 9 minutes, c'est bien le minimum de temps qu'on a de choses à dire pour faire bouger les choses. On les reçoit dans une petite petite allez, une petite dizaine de minutes histoire de discuter un petit peu avec eux, mais je pense que la chanson parle d'elle-même. Ils seront au micro de Génération 97 dans un petit instant sur Trace FM. La Yoshi Strophe débarque aussi. Alors c'est quoi ta galère toi aujourd'hui? Allez, explique-nous. Alors ma galère, c'est que j'ai besoin de bons conseils pour pouvoir plaquer une fille qui a des tendances suicidaires, mais en douceur quand même. Alors tu es certain que la fille a des tendances suicidaires? Oui, je suis certain, je me suis déjà fait menacer plusieurs fois. Alors, oui, mais des menaces, ça veut rien dire. Non, ça veut pas dire forcément qu'elle l'est. Ça veut dire que simplement elle a trouvé le truc qui te retient peut-être. Et ça marche, hein? Pas forcément, parce que j'ai déjà vu des marques sur ses bras, des choses comme ah, ça. Ah d'accord, ok. Il y a peut-être beaucoup de moustiques chez elle. Ouais, ça se trouve. Ça se trouve. Bon, elle habite dans des ronces, tu sais. Il y a des arbustes dans l'entrée de chez elle, quoi. Tu choisis de drôles de filles, quoi. Bon, il choisit pas, en fait, surtout. Tu vois que la fille a des marques sur les bras et puis tu sors avec la fille. Ben ouais, mais en même temps, ben lui, c'est ce qu'il te dit, il chope ce qui passe. Il fait pas exprès. On va en discuter dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 20h, heure des Antilles, 21h, heure de Guyane. On recevra également Meryl ce soir. Est-ce que t'as un petit extrait là dans la machine là que tu peux me faire écouter? Un petit extrait de Meryl. Meryl, elle est elle du côté de Mada. Une jeune fille fort intéressante qui faisait jusque-là des covers. Des covers qui attiraient l'attention un petit peu sur elle en reprenant du Rihanna, en reprenant du Shaggy par exemple, ou les rythmiques parce qu'elle aimait beaucoup les chansons. Tu peux mettre plus fort, hein, mec. Hein. Moi, je vais gérer ton son. Par exemple. Ça, c'est Meryl. On a eu du mal à la localiser. Hein. Moi, je pensais que c'était une Guadeloupéenne. Ça me disait, mais non, c'est une Martiniquaise. Et puis, tu avais Lilou qui disait, ouais, mais non, c'est une nana de Guyane. Finalement, le fin mot de cette histoire, c'est qu'elle est spiritaine. C'est pas un départ super gagné dans la vie. Mais elle l'a réussi en tout cas, en montant jusqu'à Montpellier. On va en discuter avec elle dans un petit instant. D'ici là, Ken Jones avec Don't Mind. On se mixe un petit peu la radio et on revient dans le tempo sur Trace. Mada, Guadayana, avec Meryl, avec Dali, avec Drex, avec plein de monde cette semaine également dans Génération 97. Il y aura du Baby Halo aussi. Vous avez fait quoi vendredi quand j'étais pas là pour le Baby Halo? Tu voulais écouter? Ouais. Bah vas-y, mets play. Oh, je sais pas quel genre de salope tu es, mais va faire ta chienne ailleurs. Vous avez appelé la cousine de Lilou. va chier, frère. Restez avec. Ah bah, c'est ça. Finalement, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Tout à l'heure, il y a du Hey Baby Halo dans la Trace Radio. Trace FM. Ce mercredi 12 octobre à 16h à Madiana, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Et les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 2, 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, à Madiana, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça a le fait. Plus d'infos trace.fm. J'ai 16 ans, je me suis fait recenser à la mairie. Et toi? Pourquoi faire? Le recensement est obligatoire et déclenche ta convocation à la JDC. JDC? C'est qui ça? Ben voyons, la journée défense et citoyenneté. Indispensable, notamment pour passer le permis de conduire. Ah bon? Sans la JDC, pas de permis? Alors dis-moi vite comment faire. Vous devez vous faire recenser impérativement dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire à la mairie de votre domicile ou par internet sur service-public.fr. Le recensement permet votre convocation à la JDC, indispensable pour passer examen, concours et permis de conduire. Contactez le centre du service national de Martinique au 0596 39 58 80. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous dans les magasins DigiLife, centre commercial Génipa du Causse ou la Jambette au Lamentin et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à condition. FM. Alors, cette rentrée? C'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée.

for me back it up, me cock it up, me rock it up, look on me catch and I sit up. Round about me lift it up like it's a car, I get jack up, I make your cocky, I get up like a balloon, I pump up. Lady in the street, but me a bitch in the bed. Crying up me body, they ma call me sick. Me hold you, ya go dead, me a cocky take a reg. Boom, me can a bubble and a roll it like a train, ha. I saw me go on when me dead by your man. So me sit down and just a boom on the jam. Wine on the body and me turn on the long. Get 5 more minutes. Shit, I ain't really trippin' over school. Let's get Wiz Khalifa high, yeah. Get meditated up and medicated. Get Wiz Khalifa high, yeah. Throw your caps in the air like you know you made it. I told moms I ain't trippin' over school, cause I made it set. Boy, you got a son supposed to be his inspiration. Put a million in his bank account to leave him out of stake. And I'll never do him wrong like they did the operation. Took a nigga vision from him, was a motherfucker bet. Said a couple years later they could give it back to me. Take knowledge. Tige Sound qui nous accompagne tous les soirs, qui vous chauffe avec Hugo plutôt dans le Bifort entre 18 et 19 heures des Antilles, 19 et 20 heures de Guyane. Ça va, c'est cool. Vous êtes de plus en plus complices les mecs. Ah bah ouais, il faut. Ils ont le même casier pour partager leurs affaires, c'est trop mignon. Oh. Ouais. Ils boivent la même eau dans la même bouteille. C'est ça, hein, faut être fusionnel hein, quand on travaille dans une équipe. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui vont se passer toute cette semaine dans Génération 97 avec Hugo, avec Sabri, avec Ness, avec Lilou aussi, avec Yoshi et Keshi derrière le standard, avec Meryl tout à l'heure qui sera à notre micro de Génération 97 et moi-même Yannick pour vous servir. Cut the sound. Génération 97, le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200, appel. Breaking news. C'est la minute Johan. Oui, il y a des groupes rivaux qui tentent de trouver des solutions contre la violence en Guadeloupe. Et donc, ils se sont réunis afin de discuter et d'apaiser ce climat de violence. Alors, le chanteur Naïssi dit avoir échangé avec des membres de sections criminelles et des chiens Larry. Et il dit avoir vu également Kérosène parler avec Saïk. Ils se seraient expliqués calmement au sujet de l'histoire qui dure depuis 14 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la communauté artistique, les Guadeloupéens de manière générale, se mobilisent autour de cet événement tragique qui a coûté la vie à Johan. Mais au-delà de ça, peut-être pour en sortir du positif. Je sais que le raccourci est un peu direct, dit comme ça. Mais à un moment ou à un autre, que ça serve d'exemple, que ça serve de déclic à toute une population pour réagir comme il se doit, pour envisager au mieux l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'ils ont un petit peu tous décidé de faire. Et parmi ces initiatives, il y a aussi le titre de Dali. Ouais. Un remix de 9 minutes en collaboration avec Kérosène, Warped, Laïta, Lilo, enfin il y en a tellement, Drex, Kriller, Bilix, Marie, enfin j'ai peur d'en oublier donc. Ouais, il y a Pomme de Mike aussi. J'ai peur d'en oublier donc j'arrête de citer. Hein. Et il y a la petite couche féministe aussi qui est arsoniste. Ouais. Alors évidemment, ils ont dit tellement essentiellement et tellement de manière concentrée ce qu'ils avaient à dire dans la chanson qu'on va l'écouter dans un petit instant, mais on va surtout également les prendre au micro de Génération 97 là tout de suite. On commence par allez, Lilo Collectif en route. Bonsoir Lilo, comment ça va? On est là, tranquillement posé. Alors mon frère, toi de ton côté, ce projet en tant que Guadeloupéen, tu t'es positionné comment? Parce que mine de rien, c'est un sacré projet de pas avoir envie de formater quelque part, de pas avoir envie de réduire parce qu'il y a tellement de choses à dire. 9 minutes et encore, ça aurait pu durer plus longtemps. Exactement comme tu le dis, 9 minutes, il n'y avait pas assez. Effectivement, il manquait d'autres artistes, tu vois, mais le temps était compté. Et comme même on faisait le travail en parallèle, on l'a fait musicalement, mais on fait le travail de terrain en même temps, tu vois. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Et bon, on a géré comme on a pu et voilà. Est-ce que tu sens que tout le monde, vraiment, à l'unisson, est d'accord presque, je dirais, pour... y compris déposer les armes, mais surtout désarmer les tensions qui peuvent nous opposer les uns les autres pour faire qu'un seul. Je ne vais pas te dire que tout le monde est prêt à déposer les armes, tu vois, comme c'est un truc, c'est tout frais, c'est tout neuf, tu vois, les gens, ils sont un peu sur leur qui-vive, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais, sur le principe, tout le monde est d'accord, tu vois, tout le monde est d'accord, que ce soit les voyous, les moins voyous, tu vois, ils sont d'accord sur le principe, ils savent qu'il y a des choses à faire, ils savent. Sont devenus incontrôlables maintenant, donc on essaye, tu vois, on essaye que ce soit à l'intérieur de la prison et dehors, on essaye de faire des choses, on essaye de faire un travail. Ok, ça marche. Alors, évidemment, on attend ton petit passage, ton couplet, en fait, notamment dans ce remix de sang qui dure 9 minutes, qui a été released, en fait, qui a été lancé au public, en fait, hier. C'est un truc simplement énorme parce que ça a vraiment cette capacité virale. Et que de mieux pour cadre, finalement, que cette chanson qui, à l'origine, était de Dali. Comment ça s'est passé? Tu t'es proposé, j'aimerais bien savoir, en fait, tu t'es proposé ou genre on t'a appelé, on t'a dit est-ce que tu veux le faire? Comment ça s'est passé, mec, de ton côté, Lil Lo? En fait, je discutais avec Dali, tu vois, il m'avait dit qu'il avait déjà l'idée et tout, je lui ai dit, mais si tu as l'idée, faisons-le, fais-le, tu vois, je lui ai dit, fais-le, mais que ça aurait plus d'impact avec des gens de la rue, des gens qu'on voit, qu'on sait qu'un tel est dans tel camp, tu vois. Ouais. Et Dali a fait le nécessaire, il a contacté Boana, il a contacté deux, trois artistes, et voilà. Ouais, 2-3 artistes, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que les gars, zone ombre, même s'ils sont là. Et en même temps, c'est aussi un très très bel exemple d'union, en fait, autour de cette cause qui est noble. Hashtag G97, hashtag Trace FM Lil Lo. On va écouter ton refrain ou ton cut, en fait, sur ce titre, spécifiquement dans un petit instant. Si tu me donnes l'occasion d'accueillir également Kero, qui est avec nous du côté du Standard. Salut Kero. Salut. Russie en moi là. J'y arrive toujours pas, mec, hein, c'est hashtag incroyable. On y arrive toujours. Comment ça va, Timal? Ça va, tranquille. Par contre, les gars, je pourrais pas rester. J'ai mon petit que je fais manger là. C'est un peu galère. Qu'est-ce qu'il mange? Donc, ouais, je pourrais vraiment pas rester. Mais qu'est-ce qu'il mange? Cool ou quoi? Mais on veut savoir qu'est-ce qu'il mange maintenant, ton petit. Hein? C'est quoi le repas? C'est quoi le menu? Rien de bien compliqué, mon frère. Pâte et une cuisse de poulet. Ah, le poulet. Ah ben ouais, ça dépanne. Ok, ça marche, pas de problème. Kérosène, ta force, ton cut, ton écriture et surtout ton envie de participer à ce projet, comment ça s'est passé? C'est simplement, c'est Boana qui m'a contacté, j'étais en France pour me dire que Dali avait eu... que Dali avait eu l'initiative de faire le remix. Tranquille, hein. Il m'a dit qui serait sur le morceau, j'ai accepté, puis on s'est rendu au studio, rencontré au studio, tout s'est passé comme d'habitude, naturellement. Donc, tu te doutes bien que, effectivement, parmi les artistes sur lesquels leurs regards ont été braqués pendant cette période, il y a toi aussi, Frangin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait participé au remix, qui aurait fait en sorte que tu n'aies pas envie d'y participer? Oui ou non? Plus maintenant? Je sais pas. Non, mais pour alors je comprends très bien ta question, Yannick. Mais on sait que tu as compris. Bien trop tôt. On est à des allées-lumière de pouvoir parler de ça. Donc effectivement, je sais pas si ça aurait été possible ou pas. Et ouais, donc Parce que les rumeurs disent que vous êtes rencontrés quand même, que ça a discuté un petit peu, quoi. Franchement, je vais pas te mentir, je réponds à rien du tout aux rumeurs. Il est trop tôt même pour parler de ça. Ouais, mais c'est en l'occurrence, c'est des bonnes rumeurs. Et en même temps, Kero... Honnêtement ouais. Des fois, ça m'arrive, j'ai des trous de mémoire, mon frère. Ouais. Je me rappelle absolument pas de ma soirée de vendredi. Justement, Kérosène, en parlant de ça, j'ai une bonne question absolument pour toi. Pas. Dis-moi. Par rapport à ta mémoire, je voulais savoir, qu'est-ce qui a causé ce conflit qui est maintenant vieux de 14 ans? Ça aussi, j'oublie. Ah ouais, non, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était pour une histoire de son waké et puis voilà. Mais encore une fois, comme je vous disais là, tout ça là, c'est prématuré. C'est peut-être le fait d'en parler. qui va faire que rien ne va se faire. D'accord, oh, okay. Ok, donc on n'en parle donc, pas trop, mais en même temps... D'une manière générale, tout le monde, on fait comme si rien n'avait mais bougé. Mais j'en ai conscience à quel point ça pourrait peser, en fait. C'est super important. Comment parce que mine de rien, je sais pas, je vais faire un tout petit cours d'histoire, mais sans les dates, ok. Rappelez-vous, la Jamaïque, on en a entendu parler parce qu'il y a eu plein de reportages sur ça, tu vois. La Jamaïque était déchirée par des tensions politiques, en fait. Et il y avait deux adversaires politiques qui est... dont finalement, en fait, le conflit était très violent. Et en fait, un jour, Bob Marley les a fait monter sur scène, tous les deux, pour se faire serrer la main. À un moment ou à un autre, tu te doutes bien, Kero, sans citer, sans mettre trop de pression sur la situation, tu te doutes bien, Kero, qu'il y a les gens qui, probablement, en se serrant la main, pourraient donner le meilleur des exemples qui soit sur beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui peuvent diviser, beaucoup parlent de gangs, et ben peut-être une unification. Tu en penses quoi? Je pense que il y a des choses qui sont déjà lancées. Peut-être qu'en en parlant au moment où c'est pas bon d'en parler, rien ne va se faire. Okay. Puisque ce moment, la démarche a été prise de l'intérieur, vous qui êtes de l'extérieur, tu vois ou pas, ça peut interférer. D'accord. Je vous explique, bon, ben on attend le bon moment. Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur aucune trêve, sur aucune paix, sur rien du tout. On comprend, on comprend. Ben en tout cas, félicitations. Non mais c'est vrai, vous n'avez pas idée du nombre de jeunes qui vous suivent et qui s'inspirent de vous. Et comme je vous disais là, il faut vraiment que j'y aille. Désolé, mais on ne peut pas les couper. Ça marche, Kero. On a également Buana. Bah tiens, il est à l'origine, notamment Buana, avec Dali, visiblement de ses connexions. Parce que même si on se doute bien qu'entre Guadeloupéens, on se connaît tous, à un moment ou à un autre, il y a des gens dont on n'a pas forcément le numéro de téléphone. Buana, il s'est un peu imposé dans cette espèce de fluidification, si j'ai bien compris. Des connexions et mine de rien, Buana, je pense que je fais pas d'erreur, tu appartiens aussi à CLR en fait, Chien Larry. Bonsoir, bah ouais, déjà bonsoir. Salut Buana, bah, on se voit tout le temps sur plein de festivals, si mal. Bonsoir, ouais, ouais, Radio Amunla. Oui, ben Chien Larry, mais aussi JPMC, l'association JPMC qui regroupe tous les artistes de Bémao. Donc, moi, je voulais juste un peu recadrer le truc parce qu'on a tendance à faire un peu l'amalgame, tu vois. Donc, oui, Nice, il y a un post sur Facebook. Ça partait d'une bonne intention, mais il faut vraiment faire la distinction entre les artistes et ce qui se passe dans la rue. Moi je mets un point d'honneur à ça, c'est-à-dire que là il a été un peu trop vite parce que tout n'est pas encore réglé, donc on ne peut pas encore parler de trêve. On est en bonne voie, on est vraiment en bonne voie, mais on est encore en phase de discussion. Donc on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Mais voilà, on est encore en phase de discussion, on est en bonne voie. Il a bien essayé de nous freiner, mais t'imagines bien que le symbole serait tellement fort, mec, qu'on est obligé de poser la question. À un moment, vous allez nous faire presque culpabiliser. Et d'ailleurs, je ne culpabiliserai pas de poser la question, les gars. À un moment ou à un autre, il y a des tensions entre des groupes qui peuvent être avérés, qui restent musicales, peut-être, mais qui ne l'ont pas toujours été. Si ça reste musical et qu'on passe un cap et que les auditeurs en profitent, les listeners, ils kiffent, pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, on a tous conscience que si cette question je la pose, c'est pas par hasard. C'est que il y a une vraie attente aussi de la part de la population à un moment de savoir c'est qui donne l'exemple. C'est ça. Donc Zopeke, culpabilisez-moi au soir là. Non, au contraire, ça a bien qu'on parlait de ça, mais comme tu vous disais, peut-être qu'à force d'en parler, finalement, on va faire des pas en arrière au lieu de faire des pas en avant. Je sais que c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Au contraire, tout le monde est content. Je voulais pas trop parler de la rencontre qu'il a eue avec Syke. Parce que justement, on se dit, il y a déjà beaucoup de polémiques, je vois, sur Facebook, etc. C'est pour ça que personne ne voulait en parler déjà. Et on voulait attendre que les choses soient bien bouclées pour en parler. Malheureusement, on est un peu dépassé par les événements. Bah ouais. Voilà. Mais en tout cas, on est en bonne voie. On est en bonne voie. Ok, ça marche. Buana, y a pas que toi, y a pas que Lilo, y a pas que Kero. J'ai peur d'oublier des gens parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Y a Pond de Mike, y a Drex aussi qu'on va avoir quelques secondes également au téléphone. Qui d'autre qui ne sera pas forcément avec nous au téléphone, mais qu'on entendra dans cette chanson qui sera diffusée dans un instant, qui dure 9 minutes. Alors bah y a Laïta. Yes. De chez Larue, t'as Kriller. Arsenis, tu as qui encore? Moi j'aime bien Dali m'a dit Arsenis, c'est pour la petite touche féminine, elle fait du bien au morceau. Bah bien sûr, elle a tout déchiré. Tu vois, elle nous a apaisé au studio. Tu vois, ce groupe nous a apaisé. On est resté quand même à travailler pendant un très très très long moment. Et d'ailleurs, franchement, un super respect à tous les artistes qui étaient là, franchement, parce que tout le monde a mis du sien. Et ceux qui ont monté le clip aussi. Tu vois, Dali a une petite équipe là, franchement. Total respect pour eux. Quand on dit que la jeunesse ne travaille pas, ben voilà, là ils ont cassé le coup aux préjugés, quoi, tu vois. En tout cas, le morceau, super. On n'aura rien à dire. C'est un morceau, en tout cas, pour la population guadeloupéenne, pour qu'ils sachent qu'on peut travailler ensemble. On peut réapprendre à travailler ensemble, mais la preuve est là. Ouais. On a Drex également qui nous rejoint du côté du standard. Comment il va, Drex ? Allô, allô, allô, ça va, ça va. Alors, mec. Et vous, comment ça va ? Eh ben, écoute, en pleine forme, si mal, depuis ton dernier passage dans le studio, ça va bien, cool. Capri, cool. Moi aussi, hein, moi c'est cool, hein, moi je me porte bien, hein, c'est la forme. Ok, tant mieux. Ce projet, un petit mot, très rapide, parce que je sais que l'essentiel de ce que t'as à dire, on va le retrouver dans la chanson, on l'écoute dans un instant. Ben, moi, ce que j'ai à dire, c'est ben, force déjà à tout le monde qui a travaillé avec nous. Et ben, j'ai pris plaisir à participer à ce projet, tu vois. Donc, quand j'écoute le rendu, je suis satisfait, donc voilà. Hein. En gros, c'est ce que j'ai à dire. T'en es pas à ton premier coup d'essai, toi. Ça fait, il y a déjà plusieurs sons où t'as posé pour la non-violence, pour la lutte contre la violence. Est-ce que tu penses que ça a réellement un impact à l'heure actuelle? Ben, je pense que dans tous les cas, la musique a toujours un impact. Le seul truc, c'est que ça n'a pas un impact instantané, tu vois. Le temps que les paroles prennent dans la tête des gens, tu vois. C'est comme dans Inception, le film. On essaie une idée dans ta tête, il faut que ça germe. Donc bon, on verra l'impact dans les générations suivantes, mais je pense que il y a beaucoup de jeunes en tout cas qui aiment la musique actuelle, tu vois, ils écoutent Warfare, ils écoutent TKMJ, ils écoutent du Drexy, ils écoutent du Deluxe, ils écoutent, tu vois, ils écoutent de tout, donc il y a beaucoup de choses conscientes qui se disent, et voilà, je pense qu'il faudra parler des choses maintenant, donc voilà. Merci de continuer d'essayer en tout cas. Merci Drex. On accueille Pompe de Mike aussi qui est là. Salut Pompe de Mike. Oui, salut. Ça va ? Tranquille. Tu fais partie des gens qui ont réagi aussi très très rapidement. T'as commencé par poser un petit freestyle sur le web. Ah, tu m'écoutes en double. Allô, tu m'entends ? Oui, je t'entends là. Ok, nickel. T'as posé un petit freestyle sur le mic, il fallait aller forcément au-delà. Pompe de mic, ta vision du projet, c'est quoi ? Ta petite pierre à l'édifice, c'est quoi ? Ben, à la base, bon, moi, j'étais pas forcément programmé sur le projet dès le départ, tu vois. Après, sur le coup, bon, le jour venu, j'étais au studio, donc bon, on a travaillé sur place, le projet était intéressant. Bon, après c'est le début, mais j'ai tenu à quand même apporter la touche, tu vois, vu que déjà peut-être les risques devaient se poser dessus normalement et que finalement ça s'est pas fait, donc j'ai tenu quand même à marquer le coup, comme c'est le pote et tout, comme il y avait beaucoup de rumeurs qui, beaucoup de messages bizarres qui tournaient autour de nous par rapport à nos freestyles, tu vois, vu qu'on a été les premiers à faire les freestyles après le drame. Ouais. Donc après, moi j'ai vraiment voulu, tu vois, justement faire le couplet et montrer que voilà, que de notre côté aussi, on est là, tu vois, on est ensemble, et puis boum boum, mais c'est pas une surprise pour la collaboration. Nous on a déjà l'habitude de collaborer avec plus ou moins tout le monde, entre guillemets, tu vois, voilà, donc au niveau de la collaboration, c'était pas nouveau, et puis voilà. On a dit Lise qui envoie la rue et la musique, c'est pas pareil. Est-ce que tu partages? Comment? La musique et la rue, c'est pas pareil pour Didiz. Est-ce que tu partages le point de vue? Est-ce que t'as un mot particulier pour faire comprendre que parfois, si la musique, on lui reproche de véhiculer un certain nombre de messages, peut-être que ce titre-là, sans remix qui réunit tout le monde, il diffuse le bon, certainement, mais rue et musique, est-ce que c'est vraiment pas pareil pour toi, Pompe de Mike? Non, ça va ensemble. Dans ce qu'on fait, nous, en tout cas, dans ce qu'on fait, nous, dans notre musique, ça va ensemble, c'est-à-dire que ce qu'on vit, ce qu'on voit, tu vois, ce qu'on a envie de faire, tu vois, ce qu'on a, tu vois, c'est chose que ce qui nous entoure, quoi. Donc le climat peut-être de violence et tout, on l'a toujours chanté, mais on n'a jamais fait la propagande on n'a jamais fait la propagande, tu vois, parce que j'ai eu des problèmes avec des médias de la Martinique à cause de ça, qui parlent de propagande, d'apologie, de crimes, de tout. Ben non, c'est même pas ça, tu vois, c'est des gens qui sont pas informés ou mal informés et qui parlent, tu vois, avant de parler, pour tous les médias, il faut s'informer Et pour tout, hein, même pour vous, pour les autres, tu vois, ceux qui ne connaissent pas, le nom aussi c'est Ponto Mike, c'est pas Ponto Mike. Pour ceux qui ne savent pas aussi. Donc, moi je l'ai bien dit, hein, c'est bon. J'ai gagné combien de points? Moi aussi. Moi je t'ai rencontré, je te signale qu'on a juste passé une soirée au cloud ensemble. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon bref, juste pour dire que je sais pas si je pense que ça va dans le sens, mais je suis tombé sur une interview en fait de T.I. qui est pas forcément le mec que j'apprécie le plus dans le rap. J'aime bien sa musique, par exemple c'est celui qui chante What You Know par exemple. Attends, je te mets un petit extrait. Et aux États-Unis, on l'a piégé en fait sur une interview et on lui a dit ouais mais bon, au bout d'un moment votre rap là, est-ce que c'est pas ça qui crée la violence? Vous décrivez des armes, vous décrivez des bitches, vous décrivez un style de vie. Et le mec répond tout simplement qu'en fait il n'est pas de son devoir de changer les choses. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il chante son quotidien, il chante ce qu'il voit. Et c'est donc peut-être aux gens qui décident, aux gens qui font changer le monde autour de lui, de ne plus lui donner de quoi écrire sur ce type de sujet. Parce que si il ne fait que décrire ce qu'il voit, à un moment ou à un autre, s'il ne le voit plus, il écrira autre chose. Je sais pas si ça va un petit peu dans le sens de ton analyse, toi, Ponto Mike. À un moment, ta réalité que tu décris, t'aimerais juste qu'elle change cette réalité pour avoir à chanter d'autres choses. Ça se trouve, demain, c'est autre chose que t'as envie de chanter. Et j'ai trouvé cette interview plutôt pas mal. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vous l'avez vu sur le web ou pas, cette interview? Oui. Non. Ouais. Ça me dit quelque chose, hein, mais tu sais aussi, c'est ça où les médias font pas les voir aussi. Là, vous avez parlé de T.I., du son, il y a la propagande, you to know about, you to know about me, mais il y a des sons aussi, il y a des sons love, il y a beaucoup de sons love de T.I. aussi, il y a beaucoup de sons. À part d'autres choses, Tupac, Biggie, tout le monde, ils ont fait des sons love, ils ont fait des sons pour leur maman, pour leur, tu vois, ce que je veux dire, hein. C'est là où les médias ont toujours relayé le côté fusillade et tout, tu vois. Bah écoute, ça au moins c'est un reproche que tu pourras pas nous faire. On va relayer ce remix qui unit énormément de Guadeloupéens. Ok, énormément de Guadeloupéens. On écoute le remix de 100 Ponto Mike, merci d'avoir été avec nous. Tous les autres également qui ont réagi, malheureusement ceux qu'on écoutera uniquement dans cette version remix qui dure 9 minutes 11. Ça vaut le coup. On écoute et on revient. A tout de suite dans Génération 97. Trace FM et Soulground, 8 fois par mois. Les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live. Une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos, trace.fm. Alors, cette rentrée? Bah, c'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée. Pour tout partager de sa rentrée, Orange vous offre deux fois plus d'internet mobile pendant deux mois pour toute souscription à un forfait Play 2 heures et plus. Et en plus, en rejoignant Orange, profitez du Samsung Galaxy J1 à seulement 49€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre valable jusqu'au 19 octobre. Engagement de 12 mois. Détails et conditions en boutique ou sur orangecaribe.com. Trace FM. Tu as le bac, tu es étudiant ou jeune diplômé et tu as un projet de création ou de reprise d'entreprise? Quel que soit ton âge, inscris-toi au dispositif Pépite, obligatoirement sur le site www.pépite-france.fr. En passant par Pépite, tu bénéficieras d'une formation et d'un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise tout en profitant des avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Pour plus d'infos, envoie un mail à pépiteag@univ-ag.fr ou appelle au 0590 48 34 06. N'hésite pas à te lancer dans l'aventure et à remplir un dossier de candidature si tu as un projet qui te tient à cœur de réaliser. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et Doggy Message. Et Doggy Message. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Wrestler est à même de vous proposer. Rendez-vous chez Digilife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Trace FM, premier sur les hits. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer, mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's, Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI au 96-300. Consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS ICI au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. Comment elle s'appelle Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Écoute-moi. Génération 9-7, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fr. Génération 9-7, 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. Combien t'es monnaie pour moi? Ok, ça pas conscience. Ça qui est toujours coulé. Sans qu'est toujours coulé, si fraîche à écouler. Et en sens CPD que tout ça a donc couplé. Un cavolé gros en coupé, les petits à troupé. C'est bloc ou bien catap, j'ai qu'à sous faillot couplé. La vérité c'est que maman fait sentiment pour alors que ras bol. Fait que papa n'ayant y a alcool et pas de bol. Depuis l'école en j'ai ni casserole. Flashball, la police j'abat moi et ma top. Ma caga des chantes préférées, mais c'est YouTube. Frère l'a dit qu'à bas mon tube. Que gang la monstre, toujours d'actu pour les tubes. Il faut arriver sans mieux, moins tuer, moins même un tube. Passe envers moi pour moi ne pas faire bon geste. Et moi non plus sans rien à foutre de base. Ça pas qu'à intégrer, c'est moi qui travaille en plus. Elle fait drogue, en 7 heures que Marilia. Combien faut aimer pour moi? Pour que nous prenons conscience. Pour moi ne pas qu'à faire fort, mais toujours qu'à plein nous que j'ai naissant nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Mais combien faut ni pour moi, pour que nous prenons conscience. Bon monde pas qu'à faire femme, mais toujours qu'à plein yo que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Apale sa ka koule, apale moun ka sorti ka goule. L'autre que ça pas ka roule, l'autre nous ka tuer nous pour nous fucking coule. Pisa ka pisa ka koule, piti ni famille qui ka plonge en doule. Faut nous prendre conscience que tout le monde ka parti qu'on vole. Mais qui l'argent qui dehors, faut nous montrer yo que nous fort. Et que nous ça fait effort pour nous essayer corriger tout ça pas bon. Nous tout conscients que y j'attends. Ça qu'a tiré depuis trop longtemps. Y j'allais pour nous ressaisir nous. Si nous pas fait pour moun peke fait ban nous. Combien faut une pour moi? Pour que nous prenons conscience. Pour moun pas qu'a fait fort. Mais toujours qu'a fait nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout moun qu'a subi violence là en silence. Ça qu'est toujours coulé. Ni pour moi, pour que nous prenons conscience. Pour mon pas qu'à faire fort, mais toujours qu'à peine que jeunesse en nous en danse. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il y ait toujours coulé. Nous qu'à marcher physique, d'accord, nous qu'à y aller à la chasse. Pas à bord, mais moi y'a mal. Les y'a gardé, moi y'a face. On y a tout qui a grandi. Vaut mieux mettre projet en place. Aucun regret du passé. En grandissant, on s'en lasse. Depuis l'âge de 15 ans, jeunesse en nous, la cabre, j'ai goûté toute bite. Les médias t'as possédé les qu'elle l'a passé. Histoire se répète et les jours se ressemblent. Nous qu'a fait nous la guerre au lieu nous travailler ensemble. Ton petit frère qu'a mort d'autre qu'a rentré la joie la laisse à vie dans le jour. Dis-moi quand on fait on fait ça ou la joie. Dis-moi pas qu'à compte. Y'a toujours là. Faites si parole. Y'a pas j'ai là. Arrêtez suivre exemple à Guilani des sens. Fais un choix. Quand maman t'a pleuré. T'as la mort l'autre qu'a enseigné. J'allais pour nous pour tout science. C'est un bip, nous pas qu'à y faire tout pour. Combien de fois il est pour moi? Génération 9-7. Pour moi, pas qu'à faire fort, mais toujours qu'à plein de nouvelles genèse, nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qu'a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Combien de fois il est pour moi? Pour qu'elle nous prend conscience. Café et femme est toujours qu'à plein de nous que jeunesse dans nos amérances. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sang qui est toujours coulé. On l'a qu'à obscurci. Yo qu'à voler pour passer aussi. C'est fréquent tu aussi. Fille la capuce et me suicide. Enclenché mon survie. Faux futif, fille la coutume. Valeu o cacho com Kirby. Eu nem posso me dar no assunto. Guadalupe a sentir. Ou centro de eu sentir. L'amor la fé me sentir. Vai me garantir, eu fico a mentir. E é pode que me dizer. Isso aparece se for sentir. Sou bom de ouvir no ouro. Tudo espoir a aller en fi. En fait, tout seul, moi, que moi, tout seul. Big up, ça qui l'osto, que j'arrive en ciel. Vilani a goût à mettre, juste pour un tel. Ou ça peut être fia ou piment diétel. Pays la malade, longtemps en j'avoue, faut y opérer. Depuis en fait, en j'avoue, y'a l'offre tiré. Faut nous prendre conscience, faut qu'elle nous modérer. Passe après, si famille, y'a nous y qu'à plaire. RIP, bat tout ça qui j'allais. En saf s'arrête, les en famille dead. Mais quand on veut faire, c'est qu'on s'acquête, vilaye, faut retirer. Même si ça arrête. Vilani a goût à mettre, juste pour un tel. Ou ça peut être fia ou piment diétel. Pays la malade, longtemps en j'avoue. Faut y opérer. Depuis en fait, en j'envoyant l'eau fouet tiré. Combien de fois il est pour moi? Pour que nous pas conscience. Pour mon pas qu'à faire et pas mettre toujours qu'à plein nous que jeunesse en nous aérance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il toujours coulé. Oh daddy, oh mama. J'aurai ma vie plus que jamais, protège ma famille, tous mes brothers. Énormément sous terre pour des colons, y'a pas la baie, y'a pas la femme. fwa se nou ki responsab Souve yon konsey mwen men pa me a ki yon ta Fwa nou komanse pa arete jete nou la fwa Allez-vous bien, c'est 9 minutes, et même, est-ce qu'on n'est pas un peu court? Dali avec nous du côté du standard. Dali? Oui, allô? J'ai presque envie de dire le précurseur, mais je sais que dans la situation actuelle, tu aimeras pas du tout tirer la couverture à toi. Laisse-moi le faire, mon gars. Beaucoup de gens autour de ce thème, autour de ce titre, 9 minutes. Avec qui, s'il voilà. te plaît, Dali, qu'on n'oublie personne ? Bah, écoute, avec qui ? Ben, tout simplement, déjà, d'un premier temps, avec le compositeur, Babs Wynn, qui a composé cette musique, tu vois, avec Buana, qui a fait partie des personnes qui ont appelé les acteurs de ce morceau, avec Iris 4.0, l'association Tout est possible, qui a réalisé, justement, ce street clip qu'on trouve franchement magnifique, simple et efficace. Et bien entendu avec les artistes tels que Kérosène, Wamped, Laïta, Lilo, Anthonis, Pomme de Mike, Dex, Thriller, Bilix, Marik, ainsi que le studio auquel on a enregistré de Bemao et celui qu'on a mixé au Gosier. Tu vois, c'est pas un truc qui a été fait en deux secondes, tu vois. Donc il est important pour moi de recentrer le truc, c'est-à-dire que faut pas que tu mélanges et que je tiens à le dire, oui, faut pas mélanger la rue à la musique. Effectivement, les deux sont reliés. Mais il y a des histoires de rue qui ne sont pas reliées, qui n'ont rien à voir avec la musique. Il ne faut pas les associer à la musique. Voilà, il y a la musique et il y a aussi la rue. Donc la musique, c'est la musique. La rue, c'est la rue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être réglées dans la rue qui n'ont rien à voir avec la musique. C'est des choses qui sont en interne. Et c'est bien pour cela que je trouve dommage que tu aies parlé de ça, parce que ça ne nous concerne pas. C'est des choses qui doivent être réglées. Voilà, nous parlons de musique, nous parlons généralement des choses pour pouvoir justement apaiser. Pas non, mais justement tu te doutais bien quand même, Dali. Hein. Franchement, honnêtement, au-delà de ça, c'est pas uniquement une question, une formule, une rhétorique. À un moment ou à un autre, tu te doutes bien que la question, elle est normale, elle est légitime. Les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Ouais. C'est-à-dire que faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Laissez les choses se régler en interne et après, vous allez savoir. À ce moment-là, moi, j'aurais même pas posé la question s'il n'y avait pas eu une fuite sur Internet. Hein. Ouais. Tu sais, à un moment ou à un autre, en fait, ce qu'il faut comprendre. Mais nous, on sait même pas que c'est une fuite. Ça ressemble tout à fait à une annonce, officielle. Très officielle. Et en plus, le truc est positif. Écoutez bien ce que je dis. C'est très simple. Il y a la musique et il y a la rue. C'est comme ça. C'est-à-dire que, voilà, les choses ont été dites d'un point de vue musical. Il y a des choses qui doivent être réglées dans la rue. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas comprendre que, voilà, les choses doivent être réglées. Il y a des histoires de personnes, d'hommes, des histoires qui durent depuis longtemps, des personnes en prison, des personnes qui ont été blessées. Il y a des choses qui doivent être. C'est pas en se claquant des doigts. Tiens, voilà, on fait la paix. We are the world, we are the children. Non, c'est pas ça. Les gars, c'est des choses qui doivent être réglées, on se mélange pas les choses, les mecs se vont régler leurs trucs comme des bonhommes, et après voilà, tout le monde part dans le positif à régler les choses, tout le monde a déjà c'est déjà un très très très grand pas qu'il dialogue. Donc laissons les choses se faire, non, okay. On ne veut pas s'en mêler, laissons les choses se faire, et dis-toi bien une chose Yannick, et que ce soit l'équipe de Trace, vous serez au courant. Tu sais très bien. Bien sûr. C'est la même façon que vous êtes. Vous avez l'exclusivité du morceau et je tiens à vous saluer pour ça parce que vous l'avez diffusé les 9 minutes, plus de 9 minutes de morceau. Et j'espère que vous allez continuer dans ce sens. Je dis ça, je dis rien. Bon bout, je m'entends. Parce que pour moi, il est important, tu vois. C'est aussi simple. Excuse-moi, je prends encore deux minutes encore de temps. Non, vas-y. Il est important pour moi que de lâcher ce message qui est véridique et qui sort de la rue. Par rapport au simple fait que c'est facile d'envoyer, tu parlais de son, de tiens, de ceci, de ça, tu chantes, c'est facile d'envoyer des sons de 3 minutes, tout ça, la playlist, la playlist des autres radios, peu importe. Mais là, c'est un vrai son qui parle de vraies choses qui se passent vraiment avec des vrais acteurs de la rue, des vrais médiateurs de rue qui ont envie de dire les choses et de représenter leur quartier. J'estime que ça vaut bien deux morceaux qui peuvent sauter de trace sur Trace FM, non? Ça dépend qui. Alors, on peut faire sauter éventuellement que Black que je vais utiliser pour m'excuser. Est-ce que moi, sauter par M, tu peux retirer Black? Et tu mets ton morceau là, mon gars. Alors, voilà, point barre. Tu peux retirer Black M, mais tu mets un morceau, justement. C'est pas en a... Faut pourquoi attendre qu'il y ait des problèmes tels quels pour me mettre de la discipline? Remettez-moi du plin. Remettez-moi du plin. Ah non, on a pas attendu pour mettre du discipline, gars, des réalités. C'est la vérité, les gars. Dali, tu sais très bien que même. D'ailleurs, attends, quand est-ce que tu nous as envoyé ton titre 100? Tu nous l'as envoyé en quoi? En juillet? En août? Nous pas les franchement. Écoute ce que je viens de dire. Et tu sais très bien, tu m'as eu au téléphone la dernière fois. J'ai salué justement par rapport à ça. Donc ne rentre pas dedans. Non mais Tima, du même bâton que tu me dis merci, je te pointe du doigt, merci. Et puis du même bâton, dis-moi, ou pas jouer assez Daddy Pling. C'est là qu'on va entendre la Guadeloupe qui a parti. Ah non, pourquoi? Mais je veux ça tout de la vérité. Yes. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà dit au fond au niveau de trace. Moi, je bigote par rapport au fait que moi, j'ai demandé, j'ai dit, bon les gars, voici mon morceau. Moi, c'est pas où il est, bang, bang, bang, bang. Vous m'avez dit, oh, bon, qu'on le fait. Tu vois, donc j'ai déjà salué au fond. Je peux l'en faire parce que la vérité. Regarde là, vous avez joué les 9 minutes. Mais, faites sauter Maître Gibbs et Jackson. J'aime bien l'idée. On appelle Bambou. Bambou. Allez, tout le monde fait un petit. Tout le monde fait un petit bonsoir Bambou. À 1, 2, 3, bonsoir Bambou. Ouais, vas-y ensemble, bonsoir Bambou. Non, en tout cas, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont participé, à mon ami aussi Bouana, Bab, Zouené, tous les acteurs, tous les artistes qui. Il y en avait d'autres, hein, faut pas croire, hein, il y en avait beaucoup, qu'on n'a pas pu mettre parce que ça fait 20 minutes et là, ils ont pas été mettre les mêmes. Donc il y a tu un nous envoies ça, on est prêt à le diffuser. Je n'oublie pas, je n'hésite de rien dans cette radio, mais je n'oublie pas. Yes mec, en tout cas Dali, un gros big up. Évidemment vous l'aurez compris, ces 9 minutes, il y a beaucoup à en découvrir parce que l'autre côté de ces 9 minutes, au-delà du fait que par rapport à nos oreilles habituées effectivement à des choses qui vont très très vite, l'intéressant c'est que mine de rien, ces 9 minutes pour les intégrer, on va mettre beaucoup d'écoute à découvrir comment telle personne a écrit, a posé. Mine de rien, c'est très très riche pendant ces 9 minutes. Le remix de 100 est disponible sur le web, disponible à la radio, disponible également avec un street clip. Bref, un gros big up. Merci Didier. J'avais envie de faire cérémonial, tu sais. Merci Didier Dali. Bonne soirée mon frère, en tout cas bon courage. Okay, ciao frère. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Eh ouais, il te le faut absolument dans ton iPod. Ah oui, bon, tu as peut-être pas forcément un iPod. Prends ton téléphone. Mets dans ton téléphone. Mets dans le Samsung, sauf s'il prend feu. Fais attention. Génération F7, 100% radio libre. Tous les soirs sur TraceFM. Un petit coucou à Manzel Aksu qui se connecte avec nous sur Twitter. Il y a Célia aussi. Et puis il y a Mimi et Soso qui sont sur Snapchat, qui viennent d'arriver. On va passer en mode de Yoshistrophe. Yes, il y a de la Yoshistrophe qui arrive. On a du Big Quiz qui se prépare également avec Marie-Emmanuel et Johanna. On va se prendre un petit kiff aussi à découvrir des nouveaux talents ce soir avec la Mademoiselle Meryl. Cette fois direction la Martinique tout à l'heure. Avec notamment une spiritaine. À l'origine, une histoire d'une fille du Saint-Esprit. Le micro et qui s'entend plutôt bien avec. Elle nous fait sourire. Au départ, ne fait que des covers. On arrive, au terme de cette aventure, à faire son propre single. On va découvrir tout ça, évidemment concentré autour de cette fille, autour de laquelle il n'y a pas forcément énormément d'informations sur le web. Elle s'appelle Meryl, elle est notre invitée ce soir dans Génération 97. Elle débarque tout à l'heure. Et puis il y a aussi forcément du Hey Baby Allo. Eh ouais, le temps pour nous de demander à Mister Cocobino, comment il s'appelle? Mister Kalash. Mister Kalash. Kevin. Mister Kevin. Kevin, comment il va? Comment s'est passé son week-end? Je sais pas, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Kalash? Samedi, un tel hôtel, la belle bitch. Bon ben ok, du Hey Baby Allo débarque dans un petit instant. Alors je vous explique, on a un DJ en fait dans l'émission, mais le mec il est là tranquille en train de se gratter les couilles. Toujours. Il est là, tu sais, en train de discuter avec Meryl. Bon alors, t'as envie de percer dans la musique? Moi j'ai vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Y a pas de problème, je peux t'aider. Pas de soucis, quand tu veux. Toujours. Aucun problème. On va faire du Hey Baby Allo parce que je pense que tu es pas prêt mec. Tu étais tellement en mode Lovance frère, monsieur. Tu sais, hein, ça va, c'est cool.

ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fr. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Bah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Trace FM. We so fly. Trace so fly. Podcast. Just a body with me. What I wanna cry for. Just a body with me. What I wanna cry for. With me, ever just the body with me, Tris. Hey, baby, loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm loving when you hug, baby. Tris, what's a whine for me? Dilly like a background, the corner. Bum, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Tris, hold up on my body, yeah. Tris, set it. Broke off my back, yeah. Tris, if you set it. This line I wear, no. Tris, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Génération 97. Boy, why my body men a stiff like soldier? Table top make the booze take you over. Van the pole, you not care if you're sober. Lord, oh Lord. Trace love how me wine. Them love how me wine. Slow up on the pole when me wine. XO, XO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. Somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Come your son, big bad deal. Pour pas moller l'homme, on flasque, mon girl. Tout ça savait qu'il y a nos car around the world. Pour pas moller l'homme, on flasque, mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayon mal tête. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pas en l'air. Et si y'a des suspects, qu'on représente girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité, comme mon gang, biché on point. Caribbean girl, à nos car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangstep. Y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Moi toujours qu'à venir que des different steps. Chaque son mou qu'à sortir qu'à bailler different tap. Gant funky. Faut pas moller l'homme ou qu'à flasque mon girl. Tout ça savait qu'il y a no car around the world. Faut pas moller l'homme ou qu'à flasque mon girl. Caribbean girl à no car like the world. Fresh quand t'as mains un peu. Bad girl qu'à bailler au mal tête. Dis qu'à mal parler mais nous qu'est-ce qu'on est. Si y'a des suspects quand t'as répété. Big up these old songs, big bad shit. Adi. Génération 97. Hey, les filles, moi j'ai le viré depuis le départ. Qu'à sortir, moi bien aller tous les jours en vérité. Wow, y'a nous qui aille là où veille. Ou pas qui qu'est à moi, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a nous, c'est une belle jeune femme. En fait, pas ouvrir des selles. Moi qui fait tout pour ses temps. En foi, c'est là qui rétait d'ailleurs. Et nous qui flexons, qui paie des mounes. Et qui a dansé, on peut qu'à sentir moins bien. Qui pour aller sans les trous. On s'en n'a pas de coups, on va tout faire. No trust friend, no trust devil. Dem a pray hard, you get pebble. He say no trust BS, no trust trouble. Human being, no trustable. If they moving anti-social, I me I. And real gangsta no beg boy, we'll buy, we buy. Anyhow. Best body, me best discharge it. Right now it's legal, no feds can charge me. Every day 6 pound in at the RD. Right now, Harry J, them a escort me. If me no have ganja, me no happy. I need to tell them what me a go load up Charlie. Some boy a try and stop me. Sweet, sweet, sweet, sweet. Hey, sweet, sweet, sweet, sweet. Are you ready? Sweet, sweet, sweet, sweet. T'es obligé dans ce gars, pas mot des bois, t'y pas. Sweet, sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Are you ready? Sweet, sweet, sweet, sweet. Pump is there. Hot. J'aime quand ça frappe, j'aime quand ça pétille. Ta beauté me tapote la rétine. Wine your body, me gal, t'es pas chez style. Même si ça carotte et c'est God for my hostile. Pas coûter ça, moon, cadigal. Moon, pas bon. Bon yoto, foot savon, chat room, bye bras, gal, bye ballon, rebelote jusqu'à la rupture des ligaments. Sweet, sweet, sweet, sweet. Génération 97. T'es obligé dans ce gars, pas mot des bâtis. Sweet, sweet, sweet, sweet. Tell them, sweet, sweet, sweet, sweet. Alright. Sweet, sweet, sweet, sweet. Give you some good, good fun. Lights, the music turned up. Pack me things to a church, me a gun. Feel life if you turn your new door. Now let me give you some. Ça, c'est un petit son d'Alkaline. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on revient avec Meryl. On revient également avec Dubi Quiz dans un instant dans Génération 97 avec toute l'équipe qui est là. Hashtag G97, hashtag Trace FM et 0800 22 103 200. Let me give you some nice, nice one. Call me her, I'm not alkaline. If that pussy I put one more time. One more time, one more time, time. Why every time when you think give me the pussy, give me the pussy, me a feel fight, yeah. Why every time when me tell yourself you take your jaws off, we a feel a feel like that. Why every time before we do it, me a feel remind you why me like ya. Now you're different, I'm a older wife, yeah. Move you wanna make me slide inside, yeah. Give me some good, good fuck. Lights, the music turned up. Back me things in what church me, I got. Feel like you put on your name tag. Let me give you some nice, nice wine. Call me Earl and not alkaline. If the pussy, I'll put one more thing. One more thing, one more thing, thing, thing, thing. Take out the fuzz here, take out the makeup for one summer real with me. When you ever text me, say you miss me, when you never make no effort, you see me eyes. You walk different round me, when you come in on me, babe. No real it. Relax, so let me give you some good, good fuck. Nights the music turned up. Bang bang, a weird pan, weird she a weird, a weird pan, pan. A few of me, she a weird pan, pan. So me girl dem wine, c'est pas moi qui give a bow. Fais vite avant il trop tard. Pour des soldats moi non, mettre quoi en mode cow cow. Parce que oui, un homme qui bataille. Donc là, obligé wine, girl. Pas prendre la peine, fais scandale. T'as l'air où t'es qu'à parler, actuellement c'est moi qu'à parler. Ou ça serait bien qu'un piqué qui t'est wallé. Mister, baby girl, comment tu fais ça? Tu le dis au dimanche, tu wine ton goût. Mister, ok. Génération 97. Wine, avant il trop tard. Avec chalet, gars, nous savons très bien où on met ça. De l'air où tout c'est loup qui a brûlé ça. Donc, là, obligé. Show! Show! C'est quoi ton délire, mec? C'est quoi ton délire, mec? C'est la violence. Ouais, c'est... Non, c'est Meryl qui vient de rentrer dans le studio, c'est pour ça. Non, mais tu sais, le mec, il fait la violence dans ses enchaînements, mais il fait la violence dans sa sélection, mais il fait la violence aussi quand il arrête, quoi. Mais frère, tu as dit stop. J'ai dit stop, c'est tout. J'ai pas dit stop, frère. J'ai dit termine. C'est pas pareil. Stop, c'est un peu radical. Mais là, il t'a terminé, mais en pleine face. Ouais. Je crois que perso, il a pas terminé que moi. Du bruit pour Tijo Sand, s'il vous plaît. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM, une autre session débarque dans un petit instant. 3 heures de libre expression. 3 heures de libre expression. Génération 97. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. Qu'est-ce qui se prépare, Hugo? On aura de la Yoshi strophe tout à l'heure. Il s'est encore passé un truc dans la vie de Yoshi. Ouais, il y a aussi du Big Quiz qui se prépare. On a, je crois, Marie qui est avec nous du côté du standard. Salut Marie. Salut. Ça va bien? Ça va, merci. On a Mathias également qui nous rejoint. Bonsoir Mathias. Hello, bonsoir. Salut. Bonsoir. Et on a Johanna. Bonsoir Johanna. Johanna. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Vous êtes là pour le Big Quiz toutes les trois? Enfin, toutes les trois, excuse-moi Mathias. Prépare-toi à être émasculé tout à l'heure en direct. C'est trop tard, c'est déjà fait. À tout à l'heure. On a... Hein? Je crois que on a des extraterrestres qui essayent de communiquer avec nous. Quelqu'un comprend? Mathias, Johanna? Ouais. Oui. Et Marie? À tout à l'heure. On fait du Big Quiz dans un petit instant avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau ce soir, Hugo? On a des places de ciné, ça, c'est pour les trois départements. Ouais, tu as du Tarus Riley en Martinique, ce sera finalement à la ferme Périne. Il y a tellement de ventes qu'on a été obligé de déplacer le lieu. Ok, ça marche, c'est le 30... Ouais. C'est le 30 septembre. Enfin bref, c'est à la fin de la semaine quoi, à la ferme Périne. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. On va vous offrir également dès la diffusion du signal des places pour notamment aller au cinéma pour voir l'avant-première de la pièce. C'est le premier film événement en fait du Watibé. Il y aura aussi vos pop-corn à gagner, vos boissons et tout et tout. On a également avec nous Meryl. Bonsoir. Oh, c'est le premier mot à la radio. Bonsoir, ça va bien? Alors quand tu dis ces premiers mots à la radio, je suis pas totalement d'accord. Parce qu'en fait, pour vous raconter l'histoire depuis le départ, en fait, cette jeune fille a du courage, mais depuis très jeune en fait. Quand on y réfléchit, il y a quelques années de ça, je dirais entre 2 ans ou l'année dernière. Oulala. Non, c'était la première fois que t'es passé à la radio, c'était il y a combien de temps? Ouais, c'est mieux près du micro en fait. Oui, c'est non, vrai. Mais réfléchis là, c'est pour ça. J'avais 17 ans en plus, il y a 3 ans je crois. Il y a 3 ans. Reviens près du micro. Il y a 3 ans, elle fait indiscutable talent. Entre temps, je me rappelle plus si c'était bien ou si c'était pas bien le discutable talent parce que beaucoup, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Toujours est-il que t'as fait le point, t'as recadré un certain nombre de choses, t'as avancé aussi, t'as continué à grandir musicalement. Et voilà, quelques semaines, tu nous fais un petit buzz avec ça. Pas que ça, mais il y a quelques semaines, en tout cas, tu attires notre attention avec notamment ce titre-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous les auditeurs? Ladies and gentlemen, oh no, nigga, nigga, oh no, Miss Lynn. Moi je crois que je connais déjà le refrain. Hein. On y va, on essaye. Ceci en table. Eh ben cette jeune fille authentique est avec nous ce soir. Elle a pas fait que ça. C'est vrai que pendant un moment, on l'a cru abonnée au cover. Mais c'était pour annoncer en fait la suite. Et on en profite ce soir d'ailleurs pour que tu sois un peu mieux connu, pour que tu rentres dans l'univers des traceurs en fait, qu'on apprenne à te connaître parce que forcément, à ses débuts de carrière, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des petites informations sur toi. C'est facile de recevoir aussi quelqu'un qui a fait énormément de choses. C'en est une autre de rencontrer quelqu'un parce qu'on aime bien déjà ce qu'elle fait. Hugo, qu'est-ce que tu as réussi à réunir comme information sur la Miss Meryl? Meryl, déjà, elle appelle ses fans les humains. Pourquoi ça? Parce que j'avais enregistré un son il n'y a pas longtemps et le titre c'était Mes humains. Je trouvais ça pas mal, c'était assez fédérateur. Donc, ouais, tu parles à tout le monde quoi, voilà, tu penses que tu dis les humains. Voilà, donc ouais, les humains, voilà. Est-ce qu'on doit en conclure pour autant que Meryl vient d'une autre planète? Pourquoi pas? C'est vous ou vous traduisez ça comme vous? Parce qu'il paraît que c'est un point commun que tu as avec un homme qu'on appelle Superman. Hein. Tu sais, genre, le mec, chaque fois qu'il va, bon, je vais sauver mes humains, je reviens tout à l'heure du travail, machin, etc. Alors, tu divertis tes humains, tu les aimes tes humains? Je je les aime beaucoup. Tous tes humains? Alors tes humains, c'est uniquement valable pour tes fans ou c'est valable pour tous les humains? Pour ceux qui me supportent. Ah. Et ceux qui te supportent pas, alors ils sont quoi? Ils sont inhumains, ils sont surhumains, ils sont sous-humains, ils sont extraterrestres? Non, je vais faire d'autres sons pour les convaincre, tu vois, de faire partie de la team, tu vois. D'accord, ok. Meryl, on va en découvrir un petit peu plus avec toi et tout à l'heure Hugo, un peu plus dans les détails. On sait un truc, c'est que tu es spiritaine. Attention, on fait le jingle Saint-Esprit, les gars. Comme vous pouvez les remarquer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au Saint-Esprit. Mais elles ont toutes été résumées dans cette intro. Tu es d'où au Saint-Esprit? Si j'ai dit, vous allez vous foutre de ma gueule. Non. Alors, vas-y. J'habite dans une campagne sur la route du Vauclin. C'est-à-dire que vous voyez le Saint-Esprit? Non, vous voyez pas. Eh ben, après le Saint-Esprit, lorsque plus le Saint-Esprit, ben c'est là qu'elle habite. Voilà. C'est où exactement? Ça s'appelle comment? Grand Bassin. Comment? Grand Bassin. Mesdames et messieurs, ce soir, nous vous invitons à découvrir Grand Bassin. L'Office du tourisme martiniquaise est fier de vous offrir ce moment avec son ambassadrice de choix, Grand Bassin, par Meryl. Là où je t'emmènerai. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bien à Grand Bassin? Eh ben, il y a la rivière. Ouais. Non, mais c'est surtout la famille qui vit dans ce petit quartier-là. Donc, ah d'accord, c'est toute ta famille. Toute. C'est-à-dire que la plupart des habitants, c'est ma famille. C'est, ouais. Donc on arrive là, en bas de la rue, on demande pour toi, c'est bon. Tu vas trouver, forcément. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement trompeur dans qui tu es. Parce que, pour être sincère avec toi, en fait, on s'est un peu disputé avec l'équipe avant que tu arrives. Pour la bonne et simple raison que chacun imagine que tu viens de quelque part un peu plus proche de lui. Je vais t'expliquer, en fait. C'est-à-dire que Sabri est persuadé que tu viens de Martinique jusque-là. Évidemment, ben... C'est un sans faute pour lui parce qu'effectivement tu es né au Saint-Esprit en fait. On dit à Saint-Esprit ou Saint-Esprit? Tu dis comme tu veux. C'est vrai? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres prêcheurs. J'ai l'impression que le mec qui a donné les noms aux communes, et parfois en Guadeloupe, en Martinique, le mec on a l'impression que il était à différents moments de sa prière, tu sais. Il arrive au Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. C'est différents moments de la prière en fait qui sont décomposés dans la commune. Il y a un truc très perturbant, c'est-à-dire que même moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu peux être guadeloupéenne. C'est quand je suis arrivée à Montpellier, quand j'avais eu mon bac, je fréquentais beaucoup de Guadeloupéens. Ouais, la race supérieure, quoi. Bref, donc j'étais avec et mon équipe de management, c'est que des Guadeloupéens en fait. Ok. Et voilà. Ok. Mais on peut te prendre aussi pour une Guyanaise. Ouais. Ça c'est parce que j'ai aussi des cousins qui vivent en Guyane, donc quand ils viennent en vacances, ils m'apprennent deux trois phases. Voilà. Et puis j'ai des petites soeurs guyanaises aussi, donc bon voilà. Mesdames et messieurs, nous pensions que nous étions seuls. Mais ils sont nombreux et de plus en plus nombreux dans la planète. Chez nous, ils cumulent l'identité martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise. Ils sont des Maguayas. C'est donc en tant que Maguaya que nous te recevons ce soir. Normalement, on était les premiers à vivre ça. Hein. Tu vois, en communiant les uns avec les autres, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, machin, etc. Et nous, on faisait comme les Power Rangers. On était obligés de s'assembler dans le même robot pour voir être Maguaya. Mais toi? Toi? Non, mais en plus, on m'a souvent fait le reproche de parler, d'avoir des phases guadeloupéennes et parler un peu guyanais. Ouais. Genre, tu renies le Saint-Esprit? Ouais. Non, la Martinique. Mais non, c'est pas une force, c'est une évolution. Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça intéressant. Il y a des sonorités guadeloupéennes qui sonnent mieux sur les sons, des sonorités guyanaises qui sonnent mieux. Voilà, c'est intéressant. Et du coup, toi, t'es à l'aise et voilà, moi, tu poses la façon. J'ai aucun problème avec ça. Hein. On va la découvrir cette Meryl, on va surtout la découvrir en musique parce que j'ai l'impression que t'es plus à l'aise derrière un micro quand il s'agit de chanter. Je me trompe ou pas? C'est clair. Oui. C'est vrai? Quel âge t'as? 23? 21. Majeur dans tous les pays, Hugo, ça c'est bon! C'est pas de quoi tu Elle parles. Peut pas porter plainte. Désolée, Sabri, elle est trop vieille pour toi. Lilou, tu sais qui essaye de réserver son dessert de la soirée. Hashtag G97, hashtag TraceFM, du bruit pour cette jeune fille qui a attiré notre attention et qui est super douée. En tout cas, nous, on le pense. Et d'ailleurs, on va vous la présenter ce soir pour que vous partagiez ce point de vue. Il y a un nouveau single, parce que c'est vrai que effectivement, à l'origine, tu t'es fait connaître en faisant des covers de Rihanna. Tiens, fais-moi un petit split-off là, rapide. T'as fait Rihanna, t'as fait. J'ai fait le remix de Rouge et Bleu. Ouais. Kalash, Tekken, et j'ai fait le dernier, c'est de Shaggy. En fait, la nana, au départ, on a l'impression en fait que c'est une stratégie. Est-ce que c'en est une d'ailleurs? En fait, c'est un concept qui a clairement été réfléchi pour faire, enfin pour attirer les gens sur ma page fan, parce que bon, j'avais quoi. Quand on n'est pas connu, on a besoin de visibilité. Voilà. Donc tu fais venir des gens pour qu'ils puissent, quand tu sors des singles officiels, qu'il y ait plus d'engouement, qu'il y ait plus de voilà. Donc c'était une petite stratégie. On a des boum boum Meryl là qui arrive sur le web. On a quoi d'autre encore, Hugo? Il y a des attendez, c'est Meryl, putain, sur Trace FM, putain. Je prends le bus avec la meuf. On a Dirty One qui kiffe bien. On a Fiu Lala qui dit y a Meryl qui est là sur Trace Madaguadayana. Didiz qui te félicite pour tes 4 signés M. C'est très très bien. Donc on en revient au cover. C'est ce qu'on appelle les signés M. Ouais, ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ton humilité, en fait, lorsque tu dis à Shaggy ou quand tu t'adresses à Booba, par exemple, pour leur dire j'ai bien aimé ta chanson. Mm-hmm. Excuse-moi si ça te plaît pas, grosso modo, mais moi, je l'ai tellement kiffé que j'ai envie de la faire un peu à ma sauce, en espérant que ça te plaise. Grosso modo, il y a à chaque fois un petit préambule comme ça pour prévenir, en fait. Mm-hmm. C'est pour pas être. Mais ça, c'est pas forcément mon idée. Tu sais, comme je t'ai dit, on est une équipe et mon réalisateur, tu sais, il a beaucoup d'idées, donc. Donc il propose ça et moi je suis assez d'accord. Donc voilà. Tu peux me remettre un petit extrait de, s'il te plaît, le dernier en date, qui a fait combien de vues, s'il te plaît, Meryl? Combien? Tu parles du dernier signé? Le dernier, le Shaggy. Je crois qu'on est à 30 000 vues. 30 000 vues, très rapidement, une vraie vibe. On en écoute un petit extrait tout à l'heure, ce sera en live dans Génération 97. Non, tu peux mettre le son plus fort, s'il te plaît. Ladies and gentlemen. On va revenir avec du Big Quiz dans un instant et Meryl qui s'offre dans Génération 97. HSA vient bon défait, c'est domino si on table. Si mon avion n'est pas capable, mais ça pas si potable. Vivez en l'air, je te bloque plus qui oriental. Mais pas de gaz derrière toute la sirotable. Ah non, Vanessa te coupe comme un homme. Mais à tes fesses, on laisse ce soir, c'est sur ton épaule. Feel so good. Elle s'appelle Meryl, elle est avec nous. On a du Big Quiz qui débarque dans la radio. Hashtag G97, hashtag TraceFM pour en savoir plus sur elle. Ça m'étonne que tu sois pas plus fan que ça, Nessie. Ah, mais moi j'aime beaucoup. Tu as remarqué? Oui. Comment elle dit? James Brown. Il y a quelque chose qui touche chez toi, il y a quelque chose de très simple, de très authentique, et on va tâcher de le découvrir au mieux. Elle s'appelle Meryl, elle est avec nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ouais. On fait un petit coup de Big Quiz, on revient juste après. Ladies and gentlemen, here come the best game all over the world. And I really love this game. We now play the Big Quiz. Quiz. The Big Quiz, baby. Ladies and gentlemen, on a Mathias qui nous rejoint. First candidate. Mathias. Alors candidate, c'est en anglais. On a compris que t'étais un garçon. Salut Mathias, bienvenue. Salut. Alors, ça va, la forme? Ouais. On va pas s'attarder sur les gens qui ont pas la vibe. Ouais. Surtout pas lui. On va pas trop s'attarder. Tu nous excuses, on reste pas, hein, mec. Hein. On revient peut-être plus tard vers toi, mec. On va dans la cabine d'à côté. Yes, parce que franchement, là, je sais pas quoi dire. Tout va bien pour toi? Ta journée s'est bien passée? Rien de particulier? Non? Non, mais on s'attarde pas, Yannick. Là, tu lui poses des questions, non? Ouais. Non, mais écoute, non. Alors voici la chanson qui résume l'état d'esprit de notre ami Mathias. C'est pas toi ça? Ça te ressemble comme deux gouttes d'eau. On a Marie également qui nous rejoint dans le Big Quiz. Bonsoir Marie. Allô. Yes. Bonsoir Marie. Il y a de la joie. Salut. Et on a également Johanna. Vous coupez les haut-parleurs, s'il vous plaît. Vous coupez les kits main libre. Nous jouons au Big Quiz. Le principe est simple. Avant de donner votre réponse, vous donnez votre prénom. Si vous ne donnez pas votre prénom, on ne vous donne pas la main. On annonce qui doit répondre à la question. First question. The first question. Let's go. Que signifie le prénom Tal en hébreu ? Rosée du matin, soleil levant ou étoile filante ? Il faut donner son prénom d'abord. Marie, on t'écoute. Marie. Rosée du matin. Oui, c'est la bonne réponse. Premier point pour Marie, on enchaîne sur la second question. Second question. On utilise en général le cochon pour son flair dans la recherche de champignons, de truffes ou de châtaignes. J'ai pas compris la question. On utilise en général le cochon pour son flair dans la recherche de champignons, de truffes ou de châtaignes. Marie, on t'écoute. De truffes. Oui, bonne réponse. Et ben voilà, ça s'enchaîne. Marie monte au score. Ça le fait plutôt bien. On en est à 2 à 0 0. Ouais, exactement. Mathias, faut que tu donnes ton prénom pour prendre la main. Tu es de quelle commune, Mathias ? D'accord, ok. J'aime cette vibe, j'aime ce mec. Pas de problème. Blasé, calme, posé, waronnette. Bon, allez, on enchaîne sur la question locale. Cette question vaut 2 points. Ça permet à quelqu'un de remonter soit au score, soit à Marie de creuser l'écart. Vous êtes prêts ? Oui. On y va, question locale. Jingle local. Local. Question locale. Local. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est la question locale. Local. Local. Si, si, si, bois. Si, si, si, bois. Elles ont parlé. Ouais, ouais. Je ne suis pas certain, je ne suis pas certain pour les paroles d'origine. Tata, tu t'en veux, tata, tu t'en veux. On y va pour la question locale. Quel est le climat de la Guyane ? Climat tropical humide, le climat équatorial humide ou le climat subtropical ? Hein, Gaudi ? Mathias, on t'écoute. Mathias, on t'écoute. Attention, c'est peut-être ton occasion, mec. La réponse B. La réponse B. Et c'est la bonne réponse. Ah ouais. Détective Wapmapan. Détective Wapmapan. Pourquoi tu rigoles, Meryl? Tu sais qu'avec ce jingle, on est devenu numéro 1 à Saül, numéro 1 au Saint-Esprit et numéro 1 également à Vieux Habitants. J'aime bien ce son en plus. On y va. 1, 2, 3 pour Meryl. Détective Wapmapan. Ok, on en est où du score ? 2 points pour Mathias qui vient d'égaliser avec Marie et la petite dernière est toujours à 0 points. On a d'ailleurs toujours pas entendu sa voix. La petite dernière, c'est qui ? C'est Johanna ? Ouais. Johanna, t'es là ? Johanna ? Oui. Maman. Jingle. Finalement, vous êtes deux à partager le même jingle. On y va pour la fourth question. La question qui te fait postillonner, repartez avec Free Point. Où a été découvert le premier citronnier ? Au Maroc, en Chine ou au pied de l'Himalaya ? Le premier quoi ? Je me remplis la question. Où a été découvert le premier citronnier ? Mathias. En Chine. Mauvaise réponse. Johanna. Ah merde. La meuf, elle donne son prénom, elle fait « Ah merde, on m'a donné la meuf !» Oh non, shit. Bon alors, Poignant. Johanna, tu dis ? Poignant. Mauvaise réponse. Johanna, dernière réponse. Johanna. Comment première réponse ? Attends, chut. Silence. Johanna, attends, Marie, 2 secondes, s'il te plaît. Elle a repris la main avant que tu la prennes. Donc, Johanna, on écoute ta réponse. Dernière réponse.

qui nous rejoint, Meryl sur Trace FM, big up à toi. James Styley aussi qui est là, Krakinet. Et God is God, I'm not. Génération 9-7. Les années sont passées, certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et derrière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Vers 7h, rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Avec notre DJ officiel dans Génération 9-7, Tige Sound. Génération 9-7, Génération 9-7, le soir, no limit, y a pas de limite. Merci d'être avec nous, Mada Guadayana. 0820 203 200, on se prépare à du c'est qui. On peut déjà d'ores et déjà d'ailleurs donner des petits indices. On cherche une personnalité connue, célèbre, national, local ou international, avec ses petits indices. Je suis un sex-symbole des années 90. J'aime bien parce que je vois le cerveau de Meryl en action. Elle réfléchit. Il y a de la vie là-dedans. On m'a repéré pour la première fois dans une publicité. J'ai effectué des études d'architecture et de journalisme. Personnalité des années 90. Oui. On l'a repérée d'abord dans une pub. Mm-hmm. Elle a des études, qui n'ont rien à voir avec sa célébrité. Rien du tout. Ok. Un indice supplémentaire, s'il te plaît. J'ai commencé en incarnant des petits rôles. Ouais. Encore un indice, s'il vous plaît. Encore un indice. J'ai rencontré ma femme sur un tournage. Ah, c'est un homme. Pas forcément, tu sais, mec, ça va vite maintenant. Ouais, ça va vite, hein. C'est un homme ou pas? Bah non. Bah oui. Bah oui. Bah peut-être. Redonne-moi les indices, s'il te plaît. Je suis un sex-symbole des années 90. On m'a repéré pour la première fois dans une publicité. J'ai effectué des études d'architecture et de journalisme. J'ai commencé en incarnant des petits rôles. J'ai rencontré ma femme sur un tournage. On attend vos propositions. 0820 203 200. Également sur le net, www.trace.fm. Vous trouvez la bonne réponse. Plutôt vous trouvez plus gros sont les cadeaux. Meryl, t'as une proposition à faire? Tu penses à quelqu'un? Je sais pas, il est noir américain ou il est... T'as pas le droit de poser des questions. <t'es> sens... C'est comme dans Secret Story. Tu sais, tu fais une révélation. Je pense à Brad Pitt. Tu penses à Brad Pitt? Tu vas pas lui répondre? Non, je lui dirai pas. Ok, 0820 203 200, hashtag G9. Ok, bon, d'accord. Okay. Tu peux redonner le numéro pour ceux qui ont écouté la séquence qui vient de passer? 0820 203 200. il se trouve que Meryl ne peut pas gagner de cadeau. Mais vous. Mais vous. Mais vous, vous pouvez. T'es con. 0820 203 200. Vous nous appelez au standard. Allez. On a du cocoteur qui se prépare, Hugo. Ouais, on va appeler les mâles cochons d'internet tout à l'heure. Il s'est inscrit, il a carrément été très très loin, il a été inscrit à un profil et il joue le jeu parfaitement. Regardez ce que ça a donné vendredi avant l'appel en direct de ce soir. Allô ? Allô ? C'est Sarah ? Oui, comment tu vas, moule frite ? Ouais, tranquille, tu fais quoi ? J'ai l'air de me toucher. Ah ouais, tu es cash, tu es direct, toi. Mes fantasmes, ils sont un petit peu bizarres. J'aime beaucoup sucer les gros orteils. C'est un petit peu bizarre. Et ça te fait quoi? Ben, je sais pas trop, ça me met en transe. Ah bon? Moi, quand je suce un gros orteil, j'aime bien croquer les petites peaux avec mes dents. Okay. C'est un peu comme si on caressait mon point G. Est-ce que tu pourras mettre ton gros orteil au fond de moi? Ouais, je te le mets plus profond si tu veux. Ouais. L'appel en direct de ce soir. Mais non, c'est pas ce que tu crois. L'appel au cocoteur en direct ce soir, c'est dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag TraceFM. D'ici là, on est avec Meryl. Tu es prête ou tu es pas prête ou tu veux encore un petit peu de temps? C'est comme vous voulez. Non, mais moi, j'ai envie. C'est à la demande. J'ai envie de te dire que quelque part, tu l'as déjà faite, cette rubrique. Tu l'as faite il y a quelques années, il y a 3 ans. Tu l'as faite, cette rubrique qui s'appelle Discutable Talent. Tu sais, avec cette petite musique que t'entendais dans ton téléphone. Voilà. Si c'est le buzz d'aujourd'hui ou de demain, il démarre maintenant. Si d'autres personnes, visiblement c'est le cas, ont déjà choisi plutôt de t'apprécier, il y en aura d'autres. C'est l'occasion de faire ton buzz, de monter sur le tremplin, de monter encore plus en avant sur le podium. Est-ce que t'es prête ou t'as besoin d'encore un peu de temps? Tu veux encore un peu de temps? Ça marche, pas de problème. Dans un petit instant, elle nous fera un discutable talent, mais attention, version THX, version The Audience is Listening, version Dolby 5.1, ok? Elle s'appelle Meryl, elle est comme ça, un petit peu timide, mais en fait, en réalité, elle se transforme totalement en une toute autre personne lorsqu'elle passe derrière un micro. Ce soir, c'est ce qu'on a envie de vous faire partager. C'est déjà un coup de cœur Génération 97. Ça sera juste après une petite session de Monsieur Tijot. Hashtag G97, hashtag TraceFM, hashtag Will Talk, et pas Real Talk. Tu apprécieras le petit clin d'œil que je te fais, Nessie. Will Talk. Yeah. Will Talk. And Will Mix. On revient juste après, hashtag G97, hashtag TraceFM. Qu'est-ce que tu me lâches, mec? Vas-y. Brocoli. Tu fais quoi? Brocoli. Ah ouais. Ok, ça marche. On se fait une petite session un peu comme tu sens, qui démarre par brocoli, on revient juste derrière. Hashtag G97, hashtag TraceFM. I'm feeling beyond. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. Hey. Mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to concrete. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. Tryna copy what I'm on. Nigga, get your own. Tryna pick a nigga bone. Heard your brother skip, boy, I had a good day. Metro PCS, trapping, boy, making plays. 50 shades of gray, beat that pussy like a Hogan. I know you know my slogan, if it ain't about what I'm gone. Niggas hating cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my necklace cause my diamonds really froze. Put that dick up in her pussy, bet she feel it in her toes. I'm a real young nigga from the 6th. I'm a real young nigga from the 6th on balls. Real young nigga from the 6th on balls. In the middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Goddamn. Yeah, I know your baby mama fond of me. Goddamn. All she wanna do is smoke that broccoli. Goddamn. Whispered in my ear, she tryna leave with me. Goddamn. pika pika. Scammers, hitting the loose in the van. Legacy, family, way see, look like a plan. Going out like a Montana, only killers on the hands. Legacy, family, way see, plan. Pegasus, Danny, Celebo, Danny. My twin color rose, I'm a pendant fat like Santa. I used to keep my money in my purse, but not so much, so I bring it in a tanker. Hated on me, you sink like an anchor. I'm sipping on tea, just chilling in Chilanka. VIP, every day I get pamper like Jetson cars, money enough so I squander. Spice is the name that I try to slander, but I sit and wonder like why the anger. You vex through my money tall like skyscraper. I'm a body so neat, my face so slender. Money, money, money, that's all on my agenda. While them sit down in a mix up and blender. Carry my name like an amper, sitting like a camper. Brain freeze when them seems like a fizzy soda. My brain is the money like baby to diaper. Ain't no push over, my lady gangster killing them like cancer. Bow down, kiss my feet to easily conquer. Même à travers fumé de chicha, j'y vois net. Je veux voir neuf ou peut arrêter en toi net. Rendez-nous nos deux sans fil. Rendez-moi mon loulou. Je suis au téléphone sans fil. Zer, beaucoup gros sous loulou. Qui a des gueules, 5 à y'a bêtement. On clash en sous louloul. Sous louloul. Abouti, j'ai aucune, j'ai retiré qu'à goulou. Sur ma télévision, et moi tout en amont, fini, momi, tout en camon. Adios. Après le show, les plus canons finissent dans le camion. Mon super héros, Chaka Zulu, c'est pas bel mondo. Tu suces pour un loulou, tu quittes le bendo. On t'a jamais vu comme la Cora Colombo. Nique ta grand-mère de côté de ta mère avec la vita Mutombo. La vita Mutombo. Mutombo, Mutombo. J'faisais de l'oseille comme si l'on pouvait. So he's asking me the key. Till you own, you can't be free. Till you own, you can't be me. How we still slaves in 2016. Keep it light, keep it bad coming. Every night another bad coming. I ain't been asleep since 96. I ain't seen the back of my eyelids. I'm speed through life with no safety belt. One-on-one with the corner with no safety help. I perform like Josh Norman. I ain't normal, nigga. Just a project, nigga. I'm Beverly Hills, California, nigga. That race talk. That's fun, nigga. Special golf talk here. All my niggas from the mud, damn near. All my niggas millionaires. We gon' take it there, I swear. You gon' think a nigga psychic. You ain't seen nothing like this. I should probably copyright this. I promise they ain't gon' like this. I got the keys, keys, keys. I got the keys, keys, keys. I got the keys, keys, keys. I got the keys, keys, keys. We on the corner, I'm bleeding film. I know the jail, I'ma shoot 'em for chumps. I got the keys, keys, keys. I got the keys, keys, keys. Radar, radar, oh. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. inside of your middle. Yes, my good eyeliner. I want to put you on your back. On your back. I want to put you on your back. On your back. I want to put you on your back. On your back. I want to put you on your back. On your back. On your back. Mama Melina, quoi c'est zo? Si ou mec, si ou go. We met a le photo, ben yongo, I push in that. On your back, I put you flat. Back to win, I bow and tap. Si ou vle, pe fess and tap. I want to put you on your back. On your back, a le do. I want to put you on your back. On your back, a le do. I want to put you on your back. On your back, a le do. I want to put you on your back. On your back, there you go. There you go. #G97, #TraceFM, on va appeler les cocoteurs tout à l'heure, c'est les petits malpropres d'internet. On s'est créé un faux profil sur les sites de rencontres et on les chauffe hors antenne et à l'antenne aussi, ce sera tout à l'heure dans 2 minutes sur Trace. On revient avec de la Yoshi Strophe, il y aura également le sexe confessionnal, il y a Meryl aussi avec nous ce soir dans le Trace Studio. Ouais, elle se prépare, yeah man. J'adore ce petit côté un peu masculin de la jeune fille. Restez avec nous, #G97, #TraceFM, un petit bonsoir à Juice Bed, également à Celia qui sont connectés avec nous, à Lady Cicia, également tous ceux que j'oublie, Magical Chris, #G97, #TraceFM. Vous nous rejoignez, attention, on revient avec les cocoteurs juste après ça. Le soir, ta radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97, ta liberté d'expression au 0820 203 200. Trace FM et Soulground, une fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live, une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22 heures, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos Trace.fm. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille. Certifié Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's, Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, Trace.fm. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Ce dimanche soir, entre 19 et 22 heures, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. Tu parles. Comment? Elle s'appelle Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Écoute-moi, Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22 heures sur Trace FM. Le replay de Génération 97, aussi dispo sur trace.fr. FM, Génération 97. Génération 97. C'est fait pour toi. Sur Trace FM, dans un petit instant, on va passer en mode sexe confessionnal. De quoi on va parler, Lilou? D'un problème de taille. Littéralement. D'accord. Au niveau masculin. J'ai vu Godzilla, j'ai cru comprendre que la taille compte, hein, quand même. Bah, bien sûr. Une Knacky Ball reste une Knacky Ball. Une Knacky Ball? Attends, excuse-moi. En fait, saucisse, la petite saucisse, des apéritifs. Oui, mais ça s'appelle Knacky Ball. Ça s'appelle pas Knacky Ball. T'as mis l'accent. T'as mis l'accent. Le même accent que quand tu mets Chris Brain, hein. Vous êtes copines ce soir. Je dis ça, je dis rien. On parlera de taille, c'est-à-dire. Donne-moi quelques petits détails. Ben, pour te donner un indice, c'est un problème que tu ne rencontreras jamais. D'accord. Ok. Donc on va parler des petits sexes alors. Une intuition. Vous voulez qu'on vous laisse? Vous voulez qu'on vous laisse en fait? Il n'y a pas de problème. On vous amène une petite tasse de thé, vous faites votre petit salon, vous mangez une petite madeleine, machin, etc. Il n'y a pas de problème, hein? Pas de soucis. Tu te sens exclu? Non, absolument pas. Il n'y a pas que moi, on d'ailleurs. Parle de, on parle de problème de taille, tu non, te sens exclu? Non, mais alors, enfin bref, ça regarde personne. Ça regarde personne. Non, mais moi, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de quoi tu vas parler dans la taille ce soir en fait? De grande taille. De très grande taille. De trop grande taille. De trop grande taille. Tu vois, ça, c'est un détail important. Ça, hein, les grandes tailles. De quoi? J'aime bien quand c'est grand. Oui, mais ouais, pas trop. Je préfère quand c'est trop grand que quand c'est trop petit. Oui, c'est clair, faut toujours sentir quelque chose. Je vais aller chercher. Comment il s'appelle mon ami Dominique, là? Dominicain, pardon. Hey, mi hombre, mi cabron. Mi cabron. Non mais c'est comme ça, c'est chaleureux, ça ressemble à une insulte, c'en est une. Mais mi cabron, c'est las hermanas necesitan. Putain, le mec il me corrige devant tout le monde, ça va pas ou quoi mec? C'est fou quoi. C'est mon espagnol est parfait. OK? 30 euros. Bref, hashtag G97, hashtag TraceFM, on en parlera tout à l'heure dans le sexe confessionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Mister Hugo? Bah d'ici là, on appelle les cocoteurs. Ouais, et puis dans un instant également, elle se produit sur scène, notamment dans notre studio Génération 97. Ça va? C'est cool. Ça va très bien. Elle s'appelle Meryl, et visiblement, elle a fait le buzz à plusieurs occasions. Certains d'entre vous l'ont connue sur un cover de Rihanna, d'autres sur un cover de Booba, d'autres sur un cover plus récemment de Shaggy. Tout ça réuni dans une seule personne qu'on trouve très authentique, c'est le coup de cœur de Génération 97. Dans un petit instant, on le fait en live dans le studio avec Tijo derrière les platines. D'ici là, on appelle qui, Hugo? Ah oui, alors c'est H-M-M-M-M, c'est le pseudo du mec, hein. C'est le pseudo du mec. Il l'a chauffé toute la soirée, voilà, il est point, il est mûr. Ping. Comme ferait le micro-ondes, on appelle Allô? Allô? On s'est parlé sur Coco. Oui, je t'entends, ouais. T'as une belle voix, hein? C'est vrai? Ouais. Ah, ben merci beaucoup. Tu fais quoi? Ouais, je suis chez moi, ouais. Ah, tu es chez toi? Mais moi, j'aurais préféré que tu sois en moi. Oh là là, j'adore. Et toi, qu'est-ce que tu cherches sur Coco? J'ai une copine et des fois, j'ai envie de... Ouais, tu as envie d'avoir des petits extras. Ouais, j'adore le sexe et elle est pas très sexe. Je te le dis déjà, je suis un mec sérieux, je suis un pompier. Ah ouais, tu es pompier? Ben j'ai un incendie qu'il va falloir éteindre. C'est le mien, je l'ai appelé Pussycata. T'es sérieuse là? Ouais. Je suis en train de déménager là. Ma compagne est au travail, ta fille rentre à 18h. Et je peux faire mine, je vais faire des travaux. Et puis, c'est pas n'importe quel travaux que je vais faire, quoi. Ah ouais, tu vas bricoler ma moule. Ah ouais, j'aurais aimé, hein. Ah, je vais te bouffer la chatte, à coup sûr. Je pense même que je vais prendre un abonnement. Ah, d'accord. Un abonnement, c'est-à-dire à quoi? À Coco? Non, avec toi. Ah, tu veux t'abonner à mon lambi? Oui, bien sûr, si c'est bon, pourquoi pas. Et toi, tu mesures combien? Moi, je fais 1m71 et ouais, j'ai des cheveux bouclés. Enfin, je sais pas, tu as vu ma photo ou pas? Ouais, j'ai vu à peu près, ouais. Des lunettes, ouais. Des lunettes de copine. Ouais, des lunettes de salope. Ah, j'adore les salopes, alors. Et on fera quoi ce soir? Il y a des choses que tu as envie de faire? Si tu peux prendre par derrière. Moi, ce que j'aime faire, tu vois, j'ai une belle chatte à la vie. J'aime la bouffer, la sucer jusqu'à ce que la femme n'en peut plus et puis qu'elle me demande. Je veux voir qu'elle a envie d'être pénétrée et puis te bourrer jusqu'à ce que mes boules tapent dans ta chatte. Mes fesses vont rebondir sur toi, ça fera des vagues. Oh putain, je bande déjà. Je suis en train de me toucher. T'as une jupe? Ouais, j'ai pas mis de culotte. Bah t'es sérieux, putain. Ouais. Oh, J'ai envie de me branler, mais elle va pas tarder à rentrer, la fille de ma compagne. Mais non, on s'en fout, vas-y, isole-toi et fais-le. Bah ok, je vais dans la chambre. Ah, je t'ai dit, je suis une salope. Allez, enfonce-toi, dis-toi, j'en t'ai fait là. Ah, ok, j'en ai mis trois. Trois, ouais, t'es une salope. T'as aimé que ça soit ma queue. Ah ouais. Ouais, je me touche là. Vas-y, fais-moi écouter. Tu entends? Oui. Ah putain, salope, tu m'as fait fuir là. Putain. Oh merde! C'est trop bon. Non! 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. C'est fait pour toi, par toi et avec toi. J'ai juste une question. Depuis le début de cette aventure des cocoteurs. Oui. Sabri, combien en a-t-il fait jouir, Hugo? Pas beaucoup. Ça pas doit beaucoup. Être son troisième déjà. Non, ça fait deuxième. Deux. Ça non, fait... Ouais, c'est deuxième. Tu es sale là, tu es sale. Putain, j'imagine trop Hugo quand il rentre le soir après l'émission, il fait. Il est sous la douche, tu sais, assis sur le sol, et il fait. Pourquoi? Pourquoi? Merci de te sacrifier au nom de l'équipe. On applaudit Hugo, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, il faut l'encourager. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre le relais derrière. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. Elle est avec nous, elle s'appelle Meryl. Ça, c'est le son qui en ce moment fait le buzz. Leur idym est plutôt sympathique. Elle en a fait plein des covers. Je vous propose un truc. Pour ceux qui la connaissent pas encore, on va retracer le parcours de Meryl. Avec Tijo Sand derrière les platines. Avec d'énormes encouragements dans le studio, s'il vous plaît. Tu l'aimes peut-être pas encore parce que tu ne connais pas. Mais nous, on aime déjà. Et ce soir, on a envie de le partager avec toi. Où que tu sois, Guada, Mada, Yana. Et tu vas remarquer que dans son flow d'ailleurs, on ne sait pas trop d'où elle est. Bon, on va vendre la mèche. Saint-Esprit, es-tu là? Et avec le Saint-Esprit. Une chose est sûre, Mada, Guada, Yana. Une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Meryl, on revient dans un petit instant avec du sexe confessionnel, mais d'ici là, lâche-toi. On va dire que tu as franchi toutes les étapes qui t'amènent ici, ce soir. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique t'écoute, mets-toi à l'aise et fais-moi kiffer. Tu es prête? Vas-y. Let's go! Somebody say... Pull-up! Meryl, en direct sur Trace FM. Trace FM. Listening, oh no, nigga, nigga, oh no. Hey! Hey! Ah, je sais bien, bon, des fesses de mine, si on table. Si mon avis n'est pas qu'à fond, mais ça passe si potable. Rivez en les hanches de bleu, tu peux qui oriental. Me bad gas, de oh yo, tout la si on table. Ah, non, va de s'en couper comme une homme. Mais à tes fesses en les, ce soir, c'est son taille, bye. Ah, non, de mes hanches à carré, bébé. Mais c'est Jack Daniels, nous rappelons ce qui se passe, bébé. It feels so good. La famille elle est là, sa chance à danser vis à voir. It feels so good. Ceux qui nous aiment pas, ils vont connu, ils seront toujours aux abois. Chanté comme Monsieur James Brown. James Brown. James Brown. Chanté comme Monsieur James Brown. I feel so good. No, no, no, no, no, no. Hey. C'est le dernier en date, dessiné M. Elle est avec nous dans le Trace Studio. Meryl, elle en a fait des covers pour en arriver jusque là dans le studio. Et nous, on y croit déjà. Mala, Guada, Yana, une chose est sûre, avec Meryl, aucun d'entre nous n'a le... Somebody say next. Next. Next. Quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack, quack. Hey, y'a DJ Nin. Hey. Où t'es les dots, où t'es les dots, si panique, il faut que baby en save ça ou les ah. Si on est propre, t'as les dots, qui qu'on décèle, ami, ami, bien, girls, whine, whine. Big, ami, bien, girls, to the world, whine. Je sens au sud pendant le week-end. Money a fi spin. Les laveurs de mes ancêtres dans la queue. Puis je les squeeze hein. What the people. Le déca et la tech. Et j'ai fait lever tout en patrouille. Release me. Baby, baby. And make me. Côté solide con. Me a Wayne and Block. Wayne and Block. Où t'es les dots, où t'es les dots, si panique il faut que baby on savent ça où les a. Si on est pas toi, la nuit de comment qui paraît soit si bis la con des scélérats. We Caribbean girl, to the world wine. We Caribbean girl. Work, work, work, work, work. Trace FM like a work, work, work, work, work. Be mad, be mad. Work, work, work, work, work. Hey. Trace FM en mode je crois tous derrière leur téléphone portable. C'est sympa hein, c'est cool hein. Ça, vous êtes captivé en fait parce qu'il passe dans votre petit écran. Moi je travaille monsieur. Ah, non, je ne sais pas pour les autres, ils sont en train de faire leur alors vidéo que ça se passe dans le studio. Une vidéo live sur Facebook. Vous d'accord, okay. On est en live sur Facebook. On vous invite évidemment à nous rejoindre. On est avec Meryl, le Saint-Esprit. Une petite prière, non? Non, ça va, ça va, ça va. Non, t'es sûr? Oui, très très sûr. Moi, je te sentais prête hein, à nous faire une petite prière. Sympa, non, bon, on oublie. Évidemment, Meryl est avec nous. La musique parle d'elle-même. Qu'est-ce que tu en dis, brother? Bruh. Yes, on y va pour la suite. C'est parti, scotche-nous. Tu veux l'amour et bébé, j'ai pas. Hey, Azou, big up Azou. Oh, tu veux de l'amour et bébé j'ai pas. Oh, non, j'ai pas. Là je fais de l'amour là j'ai pas. Le dame c'est. Si j'arrive j'ai peu de mon art mercier. Oh oh oh. Pas rempli mais je suis pas mère Teresa. Tant pas l'autre jour non je vais pas jeter les armes. La bruit des coups de poing dans le dos n'est pas solide. J'ai plein d'aimés sap, pas rempli, mais j'suis pas mère Teresa. J'tends pas l'autre jour, non j'fais pas jeter les armes. L'abri des coups de poing dans le dos n'est pas solide. Mais t'es indispensable, puis sa tribu on s'est mérite. La réaction sera téméraire, j'connais mon putain de destin. Mais dis-moi comment l'honorer, si j'ai même pas de quoi être fait demain. Entre temps l'âme s'abîme, l'âme se perd. Avant que la petite naïve s'épure, l'esprit n'est pas sédentaire. M'aventurer sur leur terre, passer mon avis, revenir. Hey, bam, bam, wall, pas mon textile, bam, là, mes lyriques, assis, pomme, fait sous l'exil, c'est pas ta seule option, je fais pas d'adoption, y arrive, faut-il vu que je suis pas leur maman, vu que je suis pas leur maman, vu que je suis pas leur maman. On est en live sur Facebook avec Meryl. Et bah, là je fais de la moula, j'épargne le dame musée. Si j'arrive j'ai peu de mon art mercier. Oh oh, pas rempli mais j'suis pas mère Teresa. J'tends pas l'autre jour, non j'fais pas jeter les armes. L'abri des coups de poing dans le dos n'est pas solide. J'ai plein d'aimés sap, pas rempli mais j'suis pas mère Teresa. J'tends pas l'autre jour, non j'fais pas jeter les armes. L'abri des coups de poing dans le dos n'est pas solide. J'ai plein d'aimé ça. J'ai plein d'aimé ça. Adrénaline. Adrénaline. On fait du bruit ou pas pour Meryl? Ouais. Eh ouais. Il y a ceux qu'on aime, qu'on adore recevoir à la radio. Il y a ceux que vous allez aimer également encore plus au fur et à mesure du temps. On a fait le tour des covers là, je sais plus, je crois qu'il en manque un. Je crois que c'était indécisif aussi un peu dans les signés M. Parce qu'en fait aujourd'hui, et je vous l'annonce d'ailleurs, elle en est arrivée au stade où elle sort son premier single. Après tant de références, après tant de musique des autres qu'elle aime, elle fait la propre sienne à découvrir juste après ce dernier cover avec Kijo Sound derrière les platines. Meryl avec nous sur Trace FM. Hey baby, Ella. Ella. Et en tout cas, c'est fait big up. Max Pop. Et baby, baby, Ella. Non, non. Et baby, baby, Ella. Je parle pas fort, y'a le On a déjà parlé, le débat est clos. Je t'en peux. C'est du la live. La vie n'est pas un vif de voir revenir avec tout et ça, oui. Biden, Bonnie, vie de bandit, tout ça, je veux pas leur ça, oui. Tu m'as promis de stop, de partager les deals de top. Oh, moi j'ai fait pour te présenter à la maman, je ne sais pas. Au coup de dents, peu de hop. Oh, je touche pas pour la salope. T'es parano, s'il me frappe, je mange, tu me connais déjà. Hey. J't'aime encore, mais reste à ta place, j'fais pas le phare. Souviens-toi, j'te gourerai toujours, cette fois-ci j'peux plus te falloir. Tu joues au super-héros. Tout le monde prend pour toi, mais je te connais trop. J'suis plus l'imbécile, fallait faire ses efforts là bien. Hey! Papa, où t'es derrière les barreaux? Papa, fond de la coque, soulage tous les barreaux. Si on était encore ensemble, c'est ce que j'aurais dit à tes gosses. Mais j'imagine que pizza, pizza, boulot. Hey baby, Ella. Ella. Max Party. On them, baby, on them. Adrenaline, no, no. Et baby, baby, elle. Je parle pas fort, y'a le gosse qui dort. On a déjà parlé, le débat est clos. Je veux d'un homme stop, pas d'une balle de ping-pong. La vie n'est pas un film, je te vois revenir avec tout tes sabis. Biden, Bonnie, vie de bandit, tout ça, je veux pas leur sabis. Tu m'as promis de stop. Des braquages et les deals de top. Comment j'ai fait pour te présenter à la maman, je ne sais pas. Au coup de dents, peu de hop. Aux yeux tous, passe pour la salope. T'es parano, s'il me frappe, je mange, tu me connais déjà. Je t'aime encore, mais reste à ta place, fais pas le fort. Souviens-toi, je te couvrais toujours, cette fois-ci, je peux plus te falloir. Tu joues au super-héros, mais je te connais trop. Je suis plus l'imbécile, fallait faire ses efforts là, bien plus tôt, bien plus tôt. Papa, où t'es derrière les barreaux? Papa, fond de la coque, soulage tous les barreaux. Si on était encore ensemble, c'est ce que j'aurais dit à tes gosses. Mais j'ai jamais rêvé ça. Avec toi, je rêvais d'une vie stable. Aujourd'hui, il me comble de bonheur. Sur toi, je passe la gomme, mon bonhomme. Si mon coup de cœur, c'est pas autrement ton coup que ton meilleur argument. Et c'est la dernière fois. Verra gauche, ne me rappelle pas. Non, non. Elle s'appelle Meryl. Elle est avec nous en direct. Tout se passe bien pour toi, mère. Il. Les deux réunis en général, là où on vit. Tout va bien? C'est cool? C'est cool. Ça va, ça va. Il paraît que il y a quelqu'un qui de temps en temps retweet ce que tu fais. Est-ce que c'est bien celui auquel je pense là? Ouais. Kalash? Ouais. Ouais, donc il a suivi en fait ce que tu fais. Ouais. C'est donc non sans un grand plaisir aussi ce soir que tu franchis encore une étape dans ta vie. Ça me fait super plaisir, je vais pas vous mentir, ça me fait super, super plaisir. Il y a quelque chose de très touchant en fait chez elle, parce qu'en fait, si tu veux, tu sais, on connaît beaucoup de célébrités. On en rencontre beaucoup, du talent il y en a aussi. Les deux réunis c'est plus rare, mais toujours est-il qu'il y a un truc qui est très intéressant chez toi, c'est de te découvrir avant que tu sois encore plus célèbre en fait. Nous on y croit, en tout cas on apprécie beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça va être l'occasion d'annoncer officiellement qu'il y a un nouveau single que tu vas nous interpréter en direct. Alors un nouveau single, c'est le premier single, faut l'expliquer en fait. Premier single avec une composition originale, avec évidemment le texte, les lyrics, l'écriture, ça tu maîtrises parce que dans le cover c'est déjà inclus. Avant ça il y avait Be Rich composé par Young Spliff. Donc, exact. Ouais. Ouais, c'est le... J'ai raté cette étape, tu m'excuses. Non, y a pas de soucis. Peut-être que certains d'entre nous ont raté cette étape. Toujours est-il que tout le monde se synchronise sur cette nouvelle step que tu passes ce soir. Ça s'appelle comment? Enchanger. Ah ouais? De quoi? Attends, c'est le... Manca espéré ou qu'elle était le même, hein. La même. On aurait été la même, c'est pas pareil que dire était le même. On aurait été pareil. Quand le créole s'est barré avant la fin de l'émission. Tijosa, on est derrière les platines. Voici le premier single ce soir, officiel. Je dis bien officiel. Celui à partir duquel vous pourrez prendre le train en marche, certes, pour ceux qui ont raté toutes les steps précédentes. Vous pourrez les revivre, évidemment, sur la page, notamment de Meryl. Où est-ce qu'on te retrouve sur le web? Alors, on me retrouve sur Facebook. Ma page fan, c'est Meryl. Mon Twitter, c'est Meryl270. On précise que le Meryl, c'est avec un Y. Hein. Oui, c'est avec un Y. Sur Snapchat, tu me trouves aussi Meryl270 aussi. Et Instagram, Meryl270. Et attention pour 270, trouver... 270, pourquoi? Oh. Parce que c'est le code postal. Ah non. Mais tout okay. À fait. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur là où elle réside, n'hésitez pas à vous annoncer, de poser la question en fait à la mairie du Saint-Esprit. Pas la Meryl, la Meryl du la Meryl du Saint-Esprit. On a du Siki qui débarque dans un instant. Attention, nouveau single, premier single, official. We are proud to present to you, this is a world premiere. Meryl. Chez nous. Et si toutes les fois ça peut l'être aussi, pas de problème aussi. Meryl, ce fut un plaisir de te recevoir dans Génération 97. Tu peux me remettre le. Vous savez, c'est quoi un DJ qui va se faire virer? Ah, quand même. Attends, vas-y, merci. Est-ce que je le maîtrise bien? HS, bien bandé. Mais oui, je sais ce qu'on t'a. Sans malice, pull up. Ok. On est bien d'accord, c'est HSE, bien bandé, domino, fessé, si on table. Non, fessé, domino, si on table. Fessé, d'accord, ok. 1, 2, 3, yo! HSE, bien bandé, fessé, domino, si on table. Putain, j'y arrive pas! Putain, c'est un talent! C'est un talent! Vas-y, apprends-moi. Non, ça fait. HSE, bien bandé, fessé, domino, si on table. Si vous n'avez pas qu'à ça passe pas si bon table. Vivez en l'air, je débloque. Oriental, me bad girls there, you tout la si what up. Ah non, Vanessa troupe quand un homme. Mais à tes fesses sans laisse, ce soir c'est sauté, so boy. Ah non, des meilleurs accords et pliés. Monsieur Jack Daniels n'aura pas de skip pour bébé. Quant à nous, we feel so good. La famille, elle est là, ça chante, ça danse et oui, ça boit. Quant à nous, we feel so good. Ceux qui n'aiment pas trop cette famille, faut qu'on y risque, qu'on toujours à boire. Meryl avec nous. Right. Tu le fais trop aigu, celui de la fin là, je peux pas le faire. T'y arrives ou pas là? Sans échauffement, sans. Mais attends, je parle de quoi là? Je me connais même c'est pas. C'est pas ton truc de tortue. À la fin, elle fait un. Mais je peux pas aller aussi aigu moi. Non, mais j'arriverai pas à le faire. N'essaie pas de me tenter si je semble. Meryl avec nous, un gros big up pour elle. On la retrouve sur Instagram, oui. Ainsi que Facebook. Et dans les bacs. Et officiellement avec ce nouveau single, Enchangé. Merci d'avoir été avec nous. Une petite parole pour les spiritains qui nous écoutent. Ouais, alors déjà, je te remercie, toi. Je remercie toute l'équipe de Trace FM. Ça me touche. Et Et puis voilà, ça me fait plaisir parce que je gravis des étapes au fur et à mesure, donc c'est cool, c'est moi ce que j'aime chez toi surtout, et j'espère ne jamais le voir disparaître, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, si ça pète encore plus, je te recevrai en interview. C'est l'humilité. Applaudissements s'il vous plaît pour Meryl. J'ai 16 ans. Ce mercredi 12 octobre, à 16h, au Rex, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hé poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charclon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée, en avant-première Trace FM, avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Et les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer, mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre, 16h30, parking McDonald's. Montauban au Gosier. Dress code sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux? Un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Mercury Beach Hit 2016. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psych. Chico. Machel Montano. Bungie Carly. Mercury Beach Hit 2016. Disponible en digital partout. Avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Génération 97. 0820 203 200. Le soir. Appel. Et balance sur Trace FM. Merci.

Écoutez ça, mon gars, chat. Real bad man, pas qu'à check. Bombo clap. Okay. Pas juste Babylon, pas juste politician. Pas ça, you même cabaye gun flat. A cause une bullet, bullet, bullet, bullet. Full ghetto, you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet. Hop, mama, t'es jaga cry. A cause une bullet, bullet, bullet, bullet. Full ghetto, you qui j'adore. A cause une bullet, bullet, bullet, bullet. Hop, mama, qui jaga cry. Je suis un peu plus on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers playing my whole day. Au câble de tout ton feeling. Baby, au bout de jour, sans savoir ce qui m'arrive. J'avance seule, et sinon mes envies. Je passe des heures à marcher dans la ville. Je passe mes journées comme si c'était les dernières. Je veux aller à l'aventure, je veux les faire danser. Sans limite, je me fixe aucune barrière. Mon reflet communique et percé. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vis comme si c'était le dernier. C'était le dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier Voyez-toi commenter, mais des pitots batailles de background. Real wife, pas qu'à fight over man. Bon paquet goumé qui est juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri. Voyez-toi commenter, mais des pitots batailles mobile game. Man, c'est ça, you are the official wifey. Pas speed, moi savais pas cheer, don't like me. You are the number one DJ. Fast speed, moi savais pas cheer, don't like me. Qu'a parlé, parlé, a yang sa yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo papé. Yo DJ Tisho Sound. You are the man. Represent for all of the ladies. All of the real wifey, you know what I mean. Tisho Sound are the man. Respect for all of the girl them. From Martinique, Guadeloupe, St. Martin, all over them are fucking real. All of the real wifey, Tisho Sound, tell them one thing like that. Real wifey, pas qu'à fight over man. Bon paquet goumé qui est juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des pitots batailles de background. Real wifey, pas qu'à fight over man. Bon paquet goumé qui est juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des pitots. to bed. Yo, you teach your son, man, sex and bitch. You are the number one DJ. FM. Génération 97. Le soir, y'a pas de limite. Y'a pas de limite. 0820 203 200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. On est toujours là. On n'est pas couché. Et toi non plus. Bon, ça va les gars? Ça va, et toi? Ouais. Cool. Ouais. J'ai jamais vu aussi réveillé du côté du standard, ça fait peur. Bon, ça va, ça brille? Ça va bien, Yannick. Putain, t'as entendu la chaise basculante? Ça va bien. Ça va, Lissi? Bien, bien, bien, bien, bien. Lilou, t'es prête? Toujours. On fait ça dans un instant, on rappelle les indices du séki. Ouais. Je suis un sexe symbole des années 90. On m'a repéré dans une publicité. J'ai effectué des études d'architecture. Des petites études. Et de journalisme. Des petites études aussi. J'ai commencé en incarnant des petits rôles. Ah, tu vois, des petits rôles. J'ai rencontré ma femme sur un tournage. Voilà, on l'avait pas bradé, elle était très jolie. Qui suis-je? On a des propositions du côté du standard. On a Gwenaël. Salut Gwenaël. Bonsoir. Salut Gwena. Bonsoir. C'est Gwena. Gwenaël, excuse-moi. J'entends beaucoup parler de toi sur internet. Le gainage, c'est à cause de toi. Oh la blague. Gwenaël, tu nous appelles d'où? Du Moule. Ah ben oui. Mesdames et messieurs, Gwenaël nous appelle du Moule, c'est normal. C'est normal. Mesdames et messieurs, petite salutation au Moule. Au Moule, Classe FM. Ça passe. Mais ça parle pas fort. Parce que les gens dorment autour. Le Moule a enfanté cette petite enchanteresse. La fille de la moule. La fille du moule. Sortie tout droit du moule. Chaud du four. Elle s'appelle Gwenaël. Ça se prononce pas comme ça peut-être. Non. Non mais dans ton quartier c'est comme ça qu'on prononce. Arrête de mentir. On s'en fout. Gwenaël, venez ici. Le Moule, Trace FM. Ça passe. Alors quelle est ta proposition Gwenaël? Brad Pitt. Tu penses à Brad Pitt? Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Pitt. Non, c'est une chanson, on sait pas où elle cartonne, mais elle cartonne quelque part. Tu penses à Brad Pitt, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est un acteur qui a une femme très jolie. Enfin, qui avait. Qui avait, ah ouais, il est en train de la perdre là. Qui avait une femme très jolie. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Angelina, joli bateau. En même temps, entre les indices de Sabri, Angelina, petit et bradé. Tu finis pas la soirée avec moi. Allez, ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, Angelina, joli bateau. Angelina, joli bateau. Angelina, finis pas la soirée avec toi. Allez, go. Bon, bref. C'est la bonne réponse. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bravo. Tu bouges pas, tu raccroches pas, ma belle. On te souhaite une bonne soirée. Le Moule a gagné. Bravo, le Moule. Bravo, le Moule. Fais la moule, fais la moule. Eh ben je l'ai toi-même, tu sais. Fais la moule, fais la moule. C'est lequel du afro-trap ça? Je peux même pas mettre la musique derrière. C'est celui-là ou pas? Attends, j'ai un doute. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Je sais plus quel numéro. 3 ou 5? C'est le 12. C'est le Afro Trap 12. C'est le 5. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est fais le moule, fais le moule. Fais le moule, fais le moule. Fais le moule, fais le moule. Et avant le moule, il y a quoi comme commune? Il y a quoi comme commune avant le moule? Mornalo. On essaye. On essaye. Je suis pas sûr. Bah non plus. Ok. On y va. 1. Tu pars de Pointe-à-Pitre. t'arrives à Bosseredon. Ensuite il y a Bornalo. Et enfin tu fais le moule. Fais le moule, fais le moule. Fais le moule, fais le moule. Fais le moule, fais le moule. Fais le moule, fais le moule. La plage des surfeurs. Et plein d'autres choses. Plein de restaurants dont je retiens plus le nom. Fais la moule, fais la moule. Fais la moule, fais la moule. Putain. Eh les gars, on vient de relancer le tourisme. On vient de relancer le tourisme. Lance à la boelle, c'est chez toi ou pas? C'est au moule? Oui. C'est au moule, c'est au moule. Allez, on y va. On essaye. Y'a quoi comme autre plage de surfeur là? Au moule. Bon d'accord, ok. T'es pas bon, elle ne sort pas de sa maison en fait. Tiens, attends. Quand t'as dépensé le bourg, dépassé le bourg, pardon. T'arrives à Lens à la boîte et c'est là à la bourre. C'est au moule, c'est au moule. C'est au moule, c'est au moule. C'est au moule. Donne des noms de restaurants, aide-nous s'il te plaît Guénaël. C'est le moule, c'est le moule. Je sais pas. Je sais pas, c'est le moule. C'est la bonne réponse Miss, tu repars avec les cadeaux. Bonne soirée Miss. Ciao. Merci. Bye bye. Bye bye. Ce sourire a été totalement offert gratuitement par Génération 97. Et maintenant, le truc qui fait zigouégoué dans ton snip aussi. Oh. Aussi. Voici le sexe confessionnal. Alors ce soir, on va parler d'un problème. Stop ! Arrêtez tout ! On n'a pas couché les enfants. C'est vrai. Ah merde. Ça fait un moment qu'ils sont couchés les enfants quand même. Ah oui, c'est vrai, on a dépassé l'heure, c'est bon. Ouais. Je peux y aller, t'es sûr, Samuel? C'est bon, tu peux y aller. Va dormir. Parce que après c'est le moule, maintenant c'est la moule. Allez vous coucher les petits, les chinchan. Oli, les mini justiciers. Oli, Inarzuma Eleven. Oli. Les petits, allez vous cacher. Trace adulte only. Donc voilà, j'ai rencontré un monsieur. Pour des raisons pratiques, on va l'appeler Gigantor. Pourquoi donc? Parce que ça fait mal à la mâchoire quand tu le dis. Alors non, parce qu'il n'était pas forcément épais, mais très long. Ah. Mais j'aurais dû m'en douter parce que déjà de taille, il était très grand. C'est pas forcément un gage de taille. C'est pas toujours proportionnel. Nessie. Souvent quand même. Nessie. Nessie, on a besoin de ton expertise sur non, ce coup-là. Nessie, franchement, de ta sexpertise même surtout. Non mais en général, tu regardes les mains, non? C'est ça. Mm-hmm. Et puis le mec fait quand même peut-être 1m97. Oui, mais il n'est pas forcément...